Cet épisode de Rétro Nouveau est une production Young Media et une présentation de RZO. Cet épisode est une présentation de la microbrasserie Riverbend. Riverbend, brasseur d'histoire. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 117e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Oui! Yes! Fait que je suis avec GF Cromp. Tu vas parler de quoi ce soir, GF? Je vais parler de The Hunter Call of the Wild. Oh yeah! On part à la chasse tout le monde. The chasse! Oh ouais. Man, tu joues à ça, c'est malade ça. Hey, Fred Jemus ici qui vous parle de The Punisher sur Sega Genesis. Yes! Dominique Bourret, Papa Cassette qui part en patin. Pour à côté le King. Vite ses patins. À Roller Games au NES. Yes. Et Bruno Georget avec vous pour vous parler de Super Mario Odyssey et Assassin's Creed Origins. Des gros canons ce soir, Bruno. C'est des gros jeux à soir, mais je suis content aussi du reste du line-up parce que c'est des gros jeux pareils. Puis j'ai bien hâte de t'entendre parler de ça, un jeu de chasse. Parce que sérieux, je pense que j'ai jamais entendu de critique de jeu de chasse. Au moins, t'as vu le jeu un peu en mid-semaine, je pense. Ah ouais, exact. On va avoir aussi en discussion, hein, on fait un retour sur le WEG, notre weekend gaming, dont on arrive de il y a un jour et demi. Ouais. T'es encore un peu dedans. On est encore un peu la tête dedans. Je suis un peu chaud encore, je pense. Le foie est encore un peu scrap. Puis il va y avoir un peu d'or gris de notre run au gaming, ce qu'on fait toujours avant le WEG le vendredi. Donc, ça va venir plus tard ce soir. Gros show ce soir. Ouais. Très gros show. Fait que c'est ça, je voulais faire un petit rappel. Rétro Nouveau Solo, ça continue. Il y a un deuxième épisode est présentement disponible. Il y a du monde qui m'ont demandé si c'était disponible en vidéo. C'est seulement disponible en audio. Donc, allez sur votre meilleure station audio pour le télécharger dès maintenant. J'ai parlé d'une tonne d'affaires. Allez voir ça. J'ai eu une tonne de questions et j'y ai répondu. Le troisième épisode sera... fait la semaine prochaine. Donc c'est ça, puis je voulais prendre un moment, je suis allé la semaine passée dans un événement Nintendo, dans le fond l'événement des fêtes de Nintendo, fait qu'eux autres il y avait... Les fêtes de Noël? Ouais, les fêtes de Noël. Déjà? L'Halloween est passé, c'est Noël, man. Ah ouais, c'est Noël. Ça, même, ça marche. Quand? Ben, c'est correct. J'ai hâte de faire Noël. J'aime mieux ça que l'Halloween. Ouais, c'est le fun Noël, toi, en plus c'est ta fête. Ben certainement, ce que j'aime pas c'est le mois de décembre, là. Il y a tellement de choses à faire. Ah les cadeaux, les planifications. C'est pas un petit comme un estime malade pour arriver au fil d'arrivée. Non-stop, là. Non-stop, c'est dégueulasse. Une fois dedans, c'est comme, ah, là, tu peux être malade tranquille. ton corps lâche c'est tout. Tu te payes une bonne gastro entre les deux fêtes. La gastro-grippe, je l'appelle affectionneusement. Fait que c'est ça. Fait que bref, dans leur événement, il y avait évidemment tous les jeux, une bonne couple de jeux Switch et 3DS. Fait que... Il y avait vraiment tous les jeux qu'on pouvait essayer. Il y avait des jeux, en fait, les jeux qu'on vous a déjà parlé ici à Rétro Nouveau. Donc, tous les jeux qu'on connaît, le Pokémon Tournament DX, il y avait évidemment Super Mario Odyssey, Mario Plus Rabbids. Il y avait aussi le nouveau Snipper Clips, l'extension qui s'en vient, qui a l'air très intéressante. Mais je me suis surtout poussé vers trois jeux qui m'intéressaient énormément et qu'on n'a pas vu encore vraiment. Premièrement, j'ai essayé Rocket League. Ouais, c'est vrai. Donc, Rocket League est maintenant sur Switch. Puis, comme ça, rapidement, j'ai fait un match contre une autre personne qui était avec une autre Switch devant moi. Ça fonctionne super bien. Tu pètes ailleurs? Non, je pense qu'il m'a pété ailleurs. Ah, j'arrive pas à te poser la question, je m'excuse. Tu peux continuer. Ouais, c'est ça, c'est un peu shame. Mais non, c'est ça. Il y avait une longueur d'avance déjà, de toute façon, au départ, quand je suis arrivé. Mal représenté. Non, c'est ça, ça n'a pas marché. T'enverras plus à des événements. T'es supposé nous représenter, puis tu perds devant le public. Oui, mais je rends les gens... Si Tom avait été là, il aurait pété les plombs. La TV payante, il était à Monsieur Net. Oui, mais je rends les gens heureux en les faisant gagner. Eux autres, après ça, sont comment? Il est bon gars, il est bon joueur en plus. Il était content. J'ai gagné contre Dieu. Exact. C'est parfait. C'est encore mieux. Fait que c'est ça, fait que j'ai essayé Rocket League et n'ayez crainte, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Puis c'est vraiment rapide, le framerate est super bon. Les contrôles, toute la même affaire, très bonne prise en main. J'ai pas essayé avec les Joy-Con séparément, mais en mode handheld, ça fonctionnait très bien. J'ai aussi essayé le très attendu Skyrim. Donc Skyrim, quand même, méga grosse aventure. Puis je me suis promené dans la carte. C'était énorme. Je veux dire, je savais pas exactement quoi faire. J'étais comme Skyrim, finalement. Le game, c'est ça, c'est Skyrim, tu sais. Puis j'étais pogné avec mon barbare, puis j'avançais avec ma hache. À un moment donné, il y a des loups qui se sont mis à m'attaquer. J'ai vergé dessus. Ça a bien fonctionné, mais je trouve que les textures et aussi le depth of field, en fait, l'espèce de vision éloignée, en fait, fonctionne vraiment bien. C'est ouais. Super beau, ça roulait bien. J'ai pas eu de problème de bug ou de pop-in de texture ou de trucs comme ça. C'était quand même beau. Ça avait l'air d'un jeu, je dirais, de la dernière génération. Fait que ça avait plus l'air, tu sais, 360 PS3. C'est un jeu de la dernière génération. Mais, je veux dire, il était beau, il était fidèle à la version de Skyrim que j'ai vue à date. Je pense que c'est un jeu qui vient de la promesse d'avoir Skyrim dans ton sac à dos. Là. Ça marche c'est bien. Ça. Mais, non, c'était bien beau. J'ai pas eu la chance de jouer avec un équipement de Link, mais c'est à savoir c'est que vrai. Dans la version qui va sortir, tu vas pouvoir l'avoir. Ouais, c'est ça. Faut les amiibo de... Mais c'est ça, j'ai vu aujourd'hui qu'il te faut les amiibo de Zelda Breath of the Wild pour débarrer chaque partie de l'équipement. Fait que c'est pas juste une partie de l'équipement. Un amiibo pour un gant. Genre. Un amiibo pour les bobettes. Aïe, aïe. Bon. Les oreilles. C'est une bonne façon de marketing, man. Marketing. Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais bref, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé la prise en main. J'ai aimé le combat. Ça fonctionnait bien. Ça m'a donné le goût vraiment d'essayer Skyrim. Il y a Mario Ramos qui m'en parle sans arrêt. Puis qui dit ouais, Mario, il est au Mexique d'ailleurs présentement. Ouais, exact. Yeah, ouais. Parti trop tard, Skyrim sort la semaine prochaine, je pense. Ouais, c'est ça. Désolé, Mario. Seigneur Ramos. Ah, ben il va être revenu. Seigneur. Non, mais il aurait pu l'amener avec lui au Mexique. Ah oui. Pas pour c'est refaire. Il n'y aura pas le temps. Soin. Il est allé au Mexique avec un petit bébé presque naissant. C'est ça. Ouais. Non, du courage. Ben justement, ouais. Peut-être qu'il aurait pogné à Tourista puis il serait allé aux toilettes. J'avoue. Avec sa Switch. Il serait resté là. Le chanceux. Ça dépend de, dans quel resort il est puis de quelle sorte de manger qu'il ouais, exact. Qu'il absorbe. Quelle sorte de manger. Moi, il y a des affaires que j'osais pas, là, dans le buffet. Là. Puis finalement, t'avais dit trois c'est jeux. C'est pas solide. Ouais, c'est ça. Troisième jeu. Merci, Fred. Le temps. Troisième jeu. Troisième jeu que j'ai joué et probablement le plus attendu, Doom. Ouais, c'est ça. De Bethesda aussi. Donc, c'est ça. Doom, en fait, c'est vraiment impressionnant. Visuellement, j'avais vraiment l'impression de jouer à la version à laquelle j'ai joué sur PS4 pour ma part. C'est sûr qu'il y a des tours de passe-passe, mais dans ma session de jeu, rapidement, comme ça va pis tout, ouais. Sérieusement, je trouve que c'est très, très, très, est-ce très que cool. Le, là, est-ce c'est que le je sais que le frame rate est un peu plus bas que sur PS4. Ouais, mais j'ai pas remarqué des ouais, gros problèmes ça, parce que ça n'a pas bloqué non plus. Ouais, moi, je m'attendais à ce que quand tu fasses un kill, tu as comme des kills très gory, que ça ralentisse un peu ou qu'il te manque des frames quelque chose, mais pas du tout. Okay. C'était très fluide, très rapide, très snappy. C'est ça, les gars de ID là, sont vraiment forts sur la technique. De toute façon, ouais. Là, on s'entend, là, c'est des crackpots de tech. Là. Ouais, c'est ça. Mais aussi, dans le vidéo, il y avait sorti un developer diary du jeu, puis il disait, tu sais, on est fiers de cette version-là. Si on n'en était pas fiers, on la sortirait ouais, pas. Cette licence-là est importante pour nous autres. Le jeu est un succès ailleurs. On veut qu'il soit un succès là-dessus aussi. Mm. Fait que non, vraiment, là, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est le fun de voir ça, Colin. Il n'y a comme pas de mauvaises nouvelles à date. T'sais, tu regardes ça et tu fais comme, ben finalement, Grim, c'est tight. T'sais. Puis j'ai pas. Il y avait FIFA sur le plancher, mais je ne l'ai pas essayé. Je suis pas la meilleure personne pour juger de FIFA parce que je joue jamais à FIFA. Fait que c'est ça. Je sais pas si c'est hot, si c'est pas hot. S'il y a des auditeurs qui sont avec nous à la maison, vous pourrez m'en parler, mais c'est ça. Je sais pas encore si c'est vraiment la console de choix pour jouer à des jeux je de sport comme ça. T'sais. Toutes les consoles sont des consoles de choix pour FIFA. Là. Ouais, c'est ça. Là, ça doit. Ça doit. Mais ça va être plus gros en Europe qu'en Amérique. En ouais, fait. C'est plus en. C'est un peu comme le NHL du reste du monde. Ouais. Exact. Dans Europe. OK. Fait que je vais arrêter là-dessus. Oui. Merci à Nintendo pour l'invitation. C'était vraiment génial. C'est le fun de pouvoir vous parler de ces jeux-là qui vont sortir incessamment. Parce que là, Doom va sortir, Skyrim va sortir, Rocket League c'est au fait, il me semble. Ouais, c'est ça, mais c'est cette année tout ça. Là. Ouais, c'est encore grosse une fois, année pour la Switch. Ça ça voilà. Finit plus. Ah, et oh. Voilà, c'est mon Dieu. Mais là, trêve de Switch. Oui. On va switcher de gear à autre chose que j'ai pas joué sur Switch. C'est Assassin's Creed Origins. C'est un jeu qui est développé par Ubisoft Montréal, publié par Ubisoft, disponible sur PS4, One et PC. Et parlant d'Ubisoft, Fred, ouais, tu ben voulais en dire fait, quelque chose. Ben oui, je voulais prendre en fait une petite minute de ton temps, juste pour dire, en fait, c'est un cas particulier ce soir, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai travaillé, que Bruno fait la critique. Donc évidemment, vous comprendrez que je participe pas à la critique. Évidemment, je vais pas commencer à critiquer mon jeu par gros conflit d'intérêt assez évident. Puis évidemment, j'ai pas non plus participé à la critique de Bruno. C'est vraiment son opinion. Il me l'a pas donné encore sa critique du jeu. Je suis très curieux de l'apprendre, que ce soit positif ou négatif. Parce que bon, comme je disais à la blague au gars offline, c'est que ça fait quand même 10 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Donc ouais. La critique négative, j'en mange pour déjeuner. Donc, c'est ça. Fait que bref. Combien d'années de ta vie t'as travaillé sur ce beau jeu-là? Celui-là, pas très longtemps, peut-être environ moins qu'un an. Là. Ah, ok, ok. Je suis arrivé, okay. C'était bien en cours. Je suis vraiment venu aider à livrer le projet. D'accord. Donc voilà, fait que sans plus tarder, je te laisse aller, Bruno, évidemment. J'interviendrai pas. Et je vais juste préciser que je vais pas répondre au point de Bruno. Je suis pas là pour justifier le projet. Va répondre, oui. Tu feras pas ton emblématique, ouais. Ça, ouais, c'est le podcast des ça fois. Ça se peut que j'intervienne quand même avec des blagues, mais tu sais, je veux pas. Je ne suis pas mandaté par la job. Je ne suis pas là pour Ubi, je suis là pour Freddy. Ouais, c'est ça. Whatever. Ouais, c'est ça. Je vais faire les gros yeux. Il va avoir une caméra fixée sur mes yeux tout le long. Ouais, ouais. J'ai la canette de Riverbend. C'est ça. Okay, je te laisse aller, Bruno. Sans plus tarder. C'est une bonne cassette. Ouais, c'est ça. C'est une bonne cassette, c'est pas une bonne cassette. OK. Fait que l'histoire là-dedans, on incarne Bayek, c'est un Medjay à l'époque de la création de la confrérie des assassins en Égypte antique. C'est 49 ans avant Jésus-Christ, il va être confronté à l'ordre des anciens et tous ses plans vont fucker, lamentablement. En fait, un Medjay, c'est comme un espèce de garde du corps. Lui, tu sais, contrairement aux autres assassins, déjà là, t'as comme un petit peu plus d'empathie pour ton personnage qui a un background puis une histoire quand même assez intéressante. Mais l'histoire, je dois avouer, est quand même assez mélangeante au départ, puis il va vraiment falloir s'investir dans le jeu pour pouvoir la comprendre. C'est plein d'énigmes dans tout ça. Le jeu est quand même très énigmatique dans ses premières heures. C'est ça. Le début est vraiment, vraiment long en passant. Si vous pensez jouer à un jeu pendant une demi-heure, une petite location où vous avez pris le jeu à un ami, c'est pas le cas. J'ai vu le titre du jeu après 2 heures du jeu. Ah. Fait que c'est ça, là. Assassin's Creed Origins est arrivé après 2 heures, donc c'est quand même assez long. Par contre, si on s'y investit, le jeu va nous offrir énormément de satisfaction puis de surprises. Donc c'est ça, là-dedans, un des grosses nouveautés, c'est le combat. Le combat là-dedans, c'est un combat qu'on a souvent comparé à Dark Souls, bizarrement, mais je peux comprendre quand même l'approche. C'est que là-dedans, t'as une attaque légère, une attaque lourde, un bouclier, un arc, puis une évasion. Fait que tu te bases sur le personnage que tu vas attaquer, puis après ça, tu l'attaques, tu évades, tout ça. Donc, il n'y a plus de danse à la Batman où tu frappais sur le bouton, puis tu étais presque tout le temps sûr de battre ton personnage si tu tenais ton garde, en fait. Fait que c'est ça, tu sais, ça a vraiment changé la dynamique du jeu, puis ça fait aussi que on n'approche pas les situations de la même façon. Maintenant, on a surtout le goût d'y aller furtivement. On va pouvoir se battre, on va pouvoir réussir à se battre et à être bon, mais la furtivité est encore vraiment la meilleure approche. Puis c'est ça, on peut améliorer les aptitudes de notre personnage, on va pouvoir améliorer son équipement, puis tout ça, je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, parce que là, je vois, on montre l'aigle de Bayek. Eh bien, son aigle, il peut monter dans les airs, puis un peu comme dans Far Cry. On identifie ce qui se passe autour. Cet aigle-là va pas attaquer nos ennemis, mais on va plutôt identifier ce qui se passe autour. Puis disons qu'on arrive dans une forteresse, on va pouvoir voir qui est là, quel niveau d'ennemi aussi, parce qu'il y a beaucoup de niveaux sur les ennemis. Tu vas pouvoir voir, mettons, toi, tu es au niveau 7, puis tu vois un ennemi niveau 12. Essaye même pas de l'attaquer, ça fonctionnera pas. T'es pas assez fort. Donc, si tu veux, admettons, sneaker, t'infiltrer derrière lui, puis planter ton épée dans le cou, ben lui, il va se retourner, il va comme « Hey, qu'est-ce que t'essayes de faire là, toi? À quoi tu penses? » Puis tu réussiras pas. Ça, j'ai trouvé que c'était bien le fun quand même. Puis c'est ça. Ceci dit, c'est ça. Faut approcher la situation furtivement la plupart du temps. Surtout dans les forteresses comme ça qu'on voit présentement. C'est ça qui est mieux. On se cache un peu partout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les forteresses, on a fait le design de niveau pour nous donner un certain... je dirais pas un avantage, mais au moins des façons de se cacher puis d'arriver à se faire des stratégies, autant avec notre règle qu'en regardant autour qu'est-ce qui se passe. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que le design de niveau est vraiment très bien fait. Puis c'est ça, quand un ennemi nous voit, ce qui est le fun, c'est qu'il va enquêter. Il a vu quelque chose, il se doute de quelque chose, mais il nous a pas vu nous encore. Fait que là, ça fait comme une espèce de boom à l'écran, puis là, tu vois, ça ralentit pendant un certain temps, puis là, whoop, tu décides de ce que tu vas faire. Est-ce que je me sauve? Est-ce que je m'en vais l'attaquer? Est-ce que je reste dans un buisson, j'attends qu'il arrive, puis que je le frappe, tu sais? Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires, toutes sortes de façons d'approcher une situation. Puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. J'ai pas eu une game pareille, puis il n'y a pas une forteresse, un combat, un endroit qui est pareil. Puis ça, je trouve ça le fun. C'est comme un monde vivant, complexe. Puis c'est ce qui ressort le plus de Origin, sérieusement. Le côté complexe, vivant, organique, imprévisible. Tu sais jamais ce qui va arriver. Présentement, justement, tu vois que le personnage est en train de se battre contre un ennemi, puis il y a une hyène qui sort de nulle part, puis finalement, la hyène, ben, faudrait qu'on se batte tous les deux avec, parce qu'elle va nous avoir. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, il y a énormément d'animaux dans Assassin's Creed Origins. Puis si vous trouvez ça cute, des hippopotames, vous voyez ça au zoo, vous trouvez ça magnifique, ben les hippopotames là-dedans, ils perdent pas une minute avant de faire Hungry Hungry Pose, c'est un peu comme te manger à la face. C'est un peu comme le Kool-Aid guy, tu sais, arrive toujours au moment où tu t'y attends pas. Hey, what's up guys? C'est vraiment drôle. Avant que je l'oublie, ça n'a aucun rapport, mais il y a des chats, puis on peut flatter les chats. Feature magnifique. C'est ça, là-dedans... Pour ce qui est des contrôles, les contrôles sont vraiment excellents. Évidemment, ils ont été repensés avec le combat et tout ça. Puis, on peut grimper et courir là-dedans, évidemment, avec l'aide d'un bouton. Dans le fond, on court. Notre personnage, il court automatiquement. Fait qu'on n'a plus vraiment de bouton pour courir, pour accélérer un peu plus. Même avec un cheval ou avec un chameau, il va courir automatiquement. Ça, c'est fun. C'est quand même assez le fun parce que justement, t'as plus les problèmes justement de tout le temps avoir à peser sur quelque chose. T'sais, le jeu est tellement énorme que on sait que tu veux courir anyway. Puis si tu veux vraiment pas aller vite, ben là, tu vas vraiment faire attention. Mais sinon, autrement, tu veux juste courir, tu sais. Ben oui. Puis pour grimper, ben c'est ça, t'as un bouton que tu vas garder enfoncé, puis il va grimper automatiquement. Puis après ça, tu peux le lâcher puis juste diriger avec ton joystick pour savoir où il va. Une chose qu'on vient de voir, c'est qu'il y avait une ligne au sol. Mm-hmm. Ça, c'est le fun parce que si, admettons, t'es comme moi, t'es un gars occupé, t'as une famille, t'as des enfants, t'as des choses à faire, des films à voir, des emails à rouvrir, ben, tu peux dire, admettons, à ton cheval, regarde, je te mets un point sur la map, là, puis fais le taxi. Ah, fait ça, que là, ton cheval, tu peux lui dire de suivre la traque puis de se rendre là. Par contre, si c'est loin... Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'aille à la face puis qui vienne te varger pendant ton trajet. Fait qu'il faut quand même que tu restes à côté, mais tu peux le laisser aller un bout, c'est bien agréable. On vient de voir un crocodile. Sérieux, là, ils font chier les crocodiles. Vous allez voir qu'ils sont assez féroces. Puis c'est ça, ce jeu-là, en fait, là-dedans, il y a des armes, comme j'ai dit tantôt. Puis les armes, c'est comme un système d'armes, un système de loot où... À toutes les fois que tu vas te battre contre un personnage, ben il va laisser tomber des armes, il va laisser tomber du loot, de l'argent, des fois aussi des matériaux. Puis on veut tout le temps avoir l'arme la plus forte, évidemment, avec le chiffre qui est adressé à cette arme-là. Donc on va voir c'est quoi les aptitudes de l'arme. Tu peux avoir là-dedans, tu peux avoir des épées, tu peux avoir des massues, tu peux avoir des spears, des espèces de lances. Puis toutes ces armes-là, tu vas te battre différemment avec ces armes-là. Puis c'est vraiment le fun, des armes lourdes, des armes légères. Puis c'est ça, il y a des armes aussi légendaires qui sont des armes qui sont beaucoup plus fortes que les autres. Puis aussi, les armes que tu vas choisir vont changer aussi certaines aptitudes par rapport à ton personnage. Fait que t'es sans cesse à l'appel d'une autre arme. Fait qu'il y a un côté RPG là-dedans qui fait que t'es souvent dans ton menu pour aller voir, OK, mon personnage, qu'est-ce que j'améliore dessus? Qu'est-ce que je fais? Ah, OK, ici, il manque... telle affaire pour me faire une meilleure protection, ben là, il me faut du bois, mettons, puis il me faut du cuir. Fait que là, tu pars avec ton aigle s'en va dans les airs, puis fait comme, OK, ben il y a du bois là-bas. Le bois, il est sur un chariot en mouvement, puis il y a des ennemis dessus. Fait que là, t'essayes d'aller les chercher, puis d'aller les tuer, puis d'aller pogner leur bois. Ça sera pas si évident que ça. Tu fais du cuir avec leur peau, j'espère. Ouais. Mais il y a du cuir ailleurs aussi. Du cuir de voyou. Du cuir du cuir de henchman. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas évident à faire, sérieusement, à réussir à améliorer ton personnage. Ce qui fait que tu mets beaucoup d'heures là-dedans. Donc, le jeu est très grindy, qu'on appelle. Là. C'est un jeu où tu grindes dans le sens que faut que tu y mettes du temps. Si c'est un jeu que tu veux mettre juste un petit peu de temps, ça fonctionnera pas. Faut que tu y mettes du temps, faut que tu y mettes de toi. J'ai encore des choses à dire, je vais y aller très vite. On a parlé souvent des microtransactions pour Assassin's Creed Origins. Eh bien, oui, il y a des microtransactions. Il y a une page complète dans le jeu, dans le menu, où tu vois, c'est littéralement écrit « Time Saver » en haut. Puis c'est ça, c'est pour les gens qui n'ont pas autant de temps à donner à ce jeu-là. Donc, tu peux acheter des armes légendaires, des trucs comme ça qui vont faire que ton personnage va être plus fort, tu vas pouvoir avancer un petit peu plus rapidement. Donc, tu sais, c'est 50-50 par rapport à ça. Je me dis, ben, ils le mettent là, sont très, très transparents par rapport à ça, puis tu le vois, puis il est là, puis that's it. Tu le veux, tu le veux, tu le veux pas, tu le veux pas. Il est pas obligatoire. C'est ça, il est pas obligatoire. Puis d'un autre côté, je me dis, on tente le diable un peu parce que, tu sais, c'est long quand même comme jeu, puis il faut que tu t'investisses. Mais tu sais, je me dis que si les microtransactions sont si présentes dans le jeu vidéo en 2017, c'est qu'il y a un public pour ça. Puis ça, on a beau chialer autant qu'on veut, les gamers, tant qu'il y a du monde qui vont mettre de l'argent là-dedans, il va en avoir. Mais ça n'a pas ruiné mon expérience vraiment loin de là. Bref, j'ai parlé de bâtir de l'équipement, de l'aigle. Sinon, le côté exploration dans le jeu est incroyable. Il y a énormément de choses à découvrir. Le monde est très, très, très, très vaste. Puis je suis souvent tombé sur des missions, des matériaux, des endroits que j'avais pas découverts, juste en explorant, juste par hasard. Puis c'est ça qui est le fun. T'es pas obligé d'ouvrir ta carte ou même d'avoir une carte à ton écran pour découvrir du stock puis découvrir des missions, rencontrer des gens. Tu vas juste comme te promener, puis là, tu vas faire comme « Hey, crime, il y a un gars, ça roche là-bas. » Puis là, tu t'en vas voir, le gars, ça roche. Finalement, il a besoin d'aide. Après ça, tu pognes un bateau, tu t'en vas. Je veux dire, il y a tellement de façons de faire des missions que t'es pas obligé d'y aller comme paf, paf, paf, paf, une mission après l'autre. Ce qui est le fun, par contre, c'est que les missions sont super variées, puis on t'offre aussi, on te propose d'y aller à un certain niveau. Puis j'ai remarqué que cette proposition-là était très importante parce que quand j'ai essayé d'y aller au-dessus de mon niveau, je me suis fait massacrer. Fait que c'est un jeu qui est bien designé de ce côté-là. Puis j'ai jamais senti qu'il y avait une mission qui était forcée ou inutile. Même les missions secondaires, on t'offre des personnages qui sont intéressants visuellement, qui sont intéressants par leur narratif, par les choses qu'ils vont dire. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites histoires intéressantes qui bâtissaient bien le monde. Puis aussi, on joue aussi très bien avec tout le backstory de Bayek par rapport à ce qui s'est passé au début du jeu. Puis c'est ça, au début du jeu, c'est pas un gros punch, mais Bayek perd son fils. Puis c'est un peu ce qui va le forger, puis ce qui va faire la suite du jeu, en fait. Ce qui va faire, ce qui va devenir, tout ça. Puis ça fait un personnage intéressant. Étant parent aussi, bon, t'as aussi ce côté-là qui est intéressant dans un personnage. Donc t'as bien de la sympathie envers ce personnage-là. Puis c'est ça, c'est un jeu qui est, comme j'ai dit, vraiment très, très, très, très impressionnant en termes de grandeur. Puis aussi, ils ont pris un an de off pour faire ce jeu-là. Puis je trouve que ça a vraiment valu la peine. Moi, j'avais essayé Syndicate, j'avais essayé Black Flag. Je l'ai fait quasiment au complet. Ils m'ont perdu en cours de route. Moi, j'ai trouvé qu'on était sur le pilote automatique avec Assassin's Creed. Puis j'ai trouvé aussi que il y avait tout le temps le même genre de setup. J'avais l'impression de jouer tout le temps au même jeu. À toutes les fois que je regarde du matériel d'Assassin's Creed, j'ai tout le temps l'impression qu'on est exactement dans le même jeu. Mm-hmm. Ça m'a toujours dérangé. Il y a juste Black Flag que je trouvais qu'on sortait de là, puis on allait ailleurs avec les pirates. Là, on va complètement ailleurs. L'Égypte est un setup magnifique. C'est vraiment coloré, c'est beau. C'est un jeu qui est très, très riche. Ça a l'air qui est vraiment magnifique sur Xbox One X. On me l'a dit vraiment souvent. Puis c'est vraiment, ça va vous en donner beaucoup. Si vous cherchez un jeu qui va être vraiment long, qui va vous en donner pour votre argent, sérieux, achetez ça. Moi, c'est une de mes plus grandes surprises de l'année. C'est le 10e jeu de la franchise. Puis moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, pour toutes ces raisons, je lui donne un 9 sur 10. Ouais. Incontournable. Oh. Ouais. Puis, ouais. 10, mais c'est pas mais, aussi bon que... Mais, non, c'est ma blague. C'est ma mais blague. Sérieusement, quand j'ai commencé ce jeu-là, puis que je trouvais ça lent puis tout, j'avais vraiment pas la même note. J'avais vraiment pas la même approche. Puis je me suis rendu compte que si tu t'investis ce jeu-là, il va vraiment te récompenser. Là. Fait que c'est ça. Puis ça... C'est le même pour plusieurs jeux, hein, sérieusement. Il y a des jeux qui sont faits avec un scope pas mal plus large, là, d'une centaine d'heures, puis d'autres qui sont faits sur 6 heures. Je pense qu'il faut les juger équitablement, ouais, toute la gang. Ça. Si je peux me permettre juste une affaire, tu sais, puis c'est pas un, par rapport au jeu nécessairement, mais oui. Tu sais, comme tu dis, avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines à Visceral, qui s'est fait mettre la clé sous la porte, oui. Qui travaillait sur une aventure single-player Star Wars, puis qui a dit qu'il n'y avait plus de marché finalement pour des narrative story driven games. Ouais. Tu sais, c'est cool justement de voir finalement un jeu aussi gros pour du single player finalement. Oui, absolument. Vraiment, là. Plus tellement. Ouais, ouais, ça j'aime ça. Non, j'ai l'impression que le single player revient en fait. Ouais. Puis fait un gros retour, puis que présentement il y a des décisions qui sont prises ailleurs, qui sont visiblement prises par du monde qui n'ont pas de vision. Fait que, ce qui est tellement le cas dans plusieurs sphères. Ouais, c'est même dans toutes les sphères. Tellement, sérieux, là. Il y a tellement du monde au pouvoir qui n'ont pas l'affaire. Moi, je me souviendrai d'un bonhomme qui s'occupait de la stratégie puis qui avait dit « Ah, le jeu vidéo, ça intéresse personne, ça. » Tu t'occupes de la stratégie puis tu dis ça. Le jeu vidéo, ça intéresse personne. C'est comme « Tabarnouche, c'est tellement off. » Fait que des fois, là... C'est pas de la faute des artisans. Non, c'est vraiment le problème. C'est rarement la faute des artisans, ouais, en fait, qui se donnent tellement, là, tu sais. Vraiment. Mm-hmm. Donc, c'est ça pour ça. Hey, j'avais hâte de la faire, cette critique-là. C'était énorme. Puis j'en ai une autre énorme, ouais, après la ça, pause. C'est ça, t'as ramassé les gros morceaux. Ouais, j'ai pas eu des deux petites semaines. Octobre, novembre, des gros mois de gaming cette année, là. Yes. Mais là, un autre gros jeu, quand ah même. Ouais. Ah ouais. Énorme, comme dirait les Français. The biggest of the biggest. Ah, ça occupe une importance incroyable, ce jeu-là, dans ma tête. On a surnommé Bruno le King du patin parce que dans le temps que je commençais les soirées au Funzo, il nous avait fini Roller Game d'en face à tout le monde. Puis là, on est tous restés comme moi, en pamoison devant un tel exploit. Donc, Bruno, c'est le King du patin. Mais là, j'avais envie de finir ce jeu-là parce que je l'avais jamais fait. Fait que, tu sais, pour me réchauffer pour le WEC, je dis, je vais me lancer là-dedans. Là. J'avais déjà essayé. Ouais. J'avais comme abandonné là, parce que, tu sais, des fois, bon, fuck it, j'ai pas le temps. Mais là, j'ai pris le temps. Et puis, Roller Games, d'abord, c'est important de savoir que c'est un beat'em up d'arcade dans lequel les personnages tournent en rond tout le temps puis ils se tapent sa gueule. Tu sais, comme un derby, là, le vrai roller derby. Ouais. Ben, c'est vraiment ça. Et puis, il y a une pinball aussi que je n'ai jamais essayé. Puis, je soupçonne tout ça de venir peut-être d'une émission, tout ça, que je connais pas trop. Là, j'ai pas... Il y avait un film, Rollerball. Ben, il y avait un film, Rollerball, mais c'était pas Roller Games. Je parlais de Roller Boys, vous autres. C'est Roller Boys? Ben, il y a un film Roller Boys, mais ça, c'est du patin roue aligné, fait par Rollerblade. Ouais, là. Parce qu'il y avait un film futuriste des années 80 qui se passait dans un futur. Ouais, c'est ça. C'est Il y a un remake des années 2000. Mais moi, je pense que c'est juste... C'est, peut-être que c'est inspiré c'est de... C'est Ultra Being Ultra. Là. Ils sont inspirés de tu sais, comme Contra, c'est visiblement inspiré de plein de films d'action des années 80. Effectivement, il y a quand même... Tu sais, les personnages dans le jeu, ils ont une personnalité, ils ont des noms. C'est vrai. Trop deep. En tout cas, c'est weird. Le jeu d'arcade est moins deep. Mais il me semble, si je me trompe pas, qu'au House of Targ, ils l'ont reçu, Roller Games en pinball. Ah, ça se peut. Fait que... Mais c'est ça, il y a trop de personnalité dans ce jeu-là pour que ça soit juste comme inventé de même là, par du monde qui n'a rien d'autre à faire. Là, ça se peut pas. Et puis, il fait partie de la catégorie des jeux NES qui sont meilleurs, je pense, au NES qu'à l'arcade. Ouais. Ou que la version NES est totalement différente, mais très bonne, très très bonne. J'ai, mettons, Rygar en tête, Strider. Il y a de quoi avec Strider au NES? Strider, c'est comme une aventure. Ils prennent un classique d'arcade puis ils font une aventure au NES avec. Ouais. C'est réussi à ce niveau-là. Jackal, me semble aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Dans Roller Games, c'est un... Comment dire? Un platformer, je dirais, avec des sections de beat'em up, comme on voit présentement à l'écran, parce qu'il y a, bien sûr, le jeu d'arcade, que c'est du beat'em up all the way. Fait que là, ils ont comme inclus ça. Donc, le niveau, tu avances, des coups de genoux en patin, c'était cœur. Ah, mais la section, le bataillage, il est très, très, très simple. Ouais. Puis, tu sais, les autres sont pas de calibre. Là. T'es démoli, là. Aucune technique. C'est mais ces coups de genoux d'en face, là, ah, ouais. sont tellement jamais ah, ouais, ça va super vite. Mais c'est ça, dans le fond. Ben, avant de commencer, d'abord, t'as trois équipes. Ouais. T'as les T-Birds. Eux autres, lui, il est comme plus gros. Et puis, il saute moins haut, il va moins vite, mais il fesse. Il peut. Avec deux shots, il peut tuer quelqu'un. T'as les Hot Flash. Les ça, hot c'est flash. La fille qu'on voit à l'écran. Eux autres, ça, elle va super vite. Là. Trop vite à mon goût. Souvent, je mourrais, là, tu sais, parce dans que. Dans le platforming, je l'aime pas bien, bien. Non, c'est ça. Ben, sur l'autoroute, moi. Sur l'autoroute, elle va bien, tout ça, mais. Puis, il y a les Rockers, dans le fond, qui sont comme l'équipe balancée. Ouais. C'est un peu moins rapide, un peu plus. Elle perd moins de life rapidement, ouais. tu sais, quand tu te fais frapper. C'est donc, ton Mario. C'est ça, exact. Moi, j'ai pris ça pas mal tout le jeu, sauf dans les sections où est-ce que je savais que j'avais juste du fighting à faire. Là, je prenais T-Bird, puis que l'autoroute, des fois, effectivement, je prenais Hot Flash, parce que il y a deux sortes de niveaux là-dedans. T'as le platforming, comme on voit présentement, que tu sautes par-dessus des trous, que tu bats du monde. Et puis, t'as la même chose, mais sur rail de côté. Ouais. Parce que là, on voit qu'on va par en bas, par en haut. On va dans tous les sens. T'sais, le niveau, il va dans tous les sens. Il y a des pentes aussi dans ces tableaux-là, ce qui change tout. Exact, exact. T'en as plus que t'avances dans le jeu à la fin. C'est juste des pentes, puis des tapis roulants, puis des fucking des trous, puis du feu. C'est vraiment dégueulasse. Mais le niveau sur le côté, sur rail, dans le fond, c'est comme tu patines automatiquement là, sur l'autoroute, et puis il faut que tu jumpes par-dessus les trous, puis toute la shit qui t'arrive d'en face. Des aigles, des mitraillettes. Ah, et c'est n'importe quoi, man. Des affaires qui te garantent, des camions qui tirent des barils, man. Des hélicoptères qui te lancent des grenades. Chris, c'est incroyable tout ce que tu vis. Ah ouais. C'est un jeu d'Ultra Games, donc de Konami, tu sais. Puis c'est comme un peu Bad and Rad, tu sais. Whatever, man. Envoyez-y tout ce qu'on a. C'est des blagues, la classique. Tout ce qui est piquant, méchant, envoyez tout ça. Là. Des chiens enragés, des gars en patin, des motos qui te foncent dedans. J'ai jamais joué à ça. Je regarde ça, puis je me dis, Chris, hey, arrête. C'est un jeu hyper commun que je m'ai quitté. Ben, j'ai dû booter une fois, voir sa cassette marchait, puis j'ai pas essayé. Ben, écoute, c'est un là, bon je jeu. Regarde ça, puis ça a l'air tout. Puis c'est un jeu à 10$, là. Puis c'est pas si long. Regarde, on voit ici, il y a trois niveaux, il y a trois équipes méchantes à battre. Ouais. Le Badalator, les Maniacs, puis les Violators. Puis un dernier niveau. Puis c'est ça, entre ces trois sections qui ont chacun des boss. Puis entre ces sections-là, comme on le voit à l'écran présentement, c'est les niveaux là, de côté. Il réussit à puncher les chiens. Ouais, les chiens, je me trouvais des safe spots, rien que pour les éviter. Là, fait que ah, puis il y en a des safe spots là-dedans. Ouais, il y en a. En fait, c'est le même que tu finis le jeu pendant parce que les niveaux d'autoroute de même sont très difficiles. Mais c'est à force de recommencer que tu trouves ton chemin. Et puis, tu sais que tu te rends très vite à la fin. Et puis, ce que j'ai aimé aussi de ce jeu-là, c'est qu'il est très bien découpé. Ouais. T'as trois vies par continu. Mais quand tu prends un continu, tu recommences ce que t'étais. Fait que, puis à chacune de tes vies aussi. Fait que t'as des vies limitées, finalement. Huh. Donc, les mondes sont divisés, mettons, en 3-1, 3-2, 3-3, 3-4. Ouais. Comme Mario, là, tu sais. Fait que tu recommences tout le temps au deuxième chiffre. Puis, ils sont pas trop longs. Fait que c'est pas déprimant. Ils sont pas longs, ils sont juste stressants. Quand t'as fini un stretch, tu dis « Yes! » Puis jamais de ma vie, j'ai besoin de passer par là. T'avances dans la game de même. Ah oui. Bucky O'Hare au NES est un jeu crissement tough, mais qui fonctionne de cette façon-là. Les jeux qui marchent de même sont des jeux qu'on aime finir au NES. C'est permissif, t'as tout le temps des continues, mais tu recommences pas à l'autre bout du Christ là, quand tu meurs. Donc là, on voit un grand Nemesis ici, là. Le camion lanceux de Barry. Moi, là. C'est camion mon pire dans tout le jeu. Parce qu'il t'écrase, puis il n'y a pas de safe spot vraiment. Moi, je l'ai vraiment... Ben, c'est ici. Ouais, mais à un moment donné, t'es là d'en face, fait que t'as pas le choix de te tasser. C'est ça, c'est quand il avance, là, la dernière qui pitch, t'avances, puis là, après ça, tu recules tout de suite. Exact. Pis c'est la seule façon de l'éviter. Truc de pro ici, là. Truc du king. Puis les niveaux sont bien, sont variés aussi. Tu commences dans la rue, là, classique. Ouais. T'as un niveau dans la jungle, t'as un niveau dans une cour à scrap, t'as un niveau dans une genre de usine futuriste technologique. Donc, c'est très cool. Les boss sont intéressants aussi. Ils sont variés. Et puis, c'est ça. Les sections beat'em up sont pas très élaborées, mais comme tu disais, très satisfaisantes. Ouais. Puis c'est le bruit, hein? Tu le pognes par la tête. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac Good. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Ouais. J'ai pas mille autres choses à dire sur ce jeu-là. La pochette est épique, d'ailleurs. Moi, je pense que Roller Games, il y a du recyclage des autres jeux, en fait, de Konami. Comme la forêt ressemble vraiment beaucoup au setup de forêt de Bayou Billy. Ouais. Pis, ah, c'est sûr. C'est sûr là, qu'il y a des assets là-dedans. Là, que c'est juste des affaires qui ont été reprises dans d'autres jeux. C'est souvent les mêmes sons qu'on a mis ce jeu-là quand tu le parles. Ah, puis la musique est excellente aussi. Le design est super beau. Donc, c'est du bon Konami. Yes. Ça peut, je comprends juste pas pourquoi ce jeu-là, il n'y a pas de hype, parce qu'il est très bon, meilleur que bien des choses. Je l'avais jamais vraiment pris le temps de le découvrir, puis là, ça me donne vraiment le goût de l'essayer. Ben, Nicolas, qui n'est pas ici ce soir, j'ai joué avec lui à ça toute mon enfance. Là. On le louait tout le temps. C'est un bon jeu. Fait que moi, je donne un beau 8.5. Il a pas reviewé le doc avant. J'avais oublié ma note parce que je me suis tellement brûlé. Je l'ai donné avant le WEC. Puis là, je me suis tellement brûlé de neurones dans la boisson pendant le WEC. On est fatigués. Ben écoute, ça devient un trademark que j'oublie les notes que je donne parce que je les donne trop. C'est rendu ça, mon gars. C'est ça. Donc, un 8.5, là, bien mérité à Roller Games au NES. Un jeu que vous devez acheter, joueur et collectionneur de NES. Mais joueur avant tout parce que c'est pas cher. Il y en a partout. Et puis, c'est très bon. On aime ça. Alright, sur ce, GF, tabarnouche. Fait que prenez votre bouteille d'urine de chevreuil, on s'en va dans le bois tuer des gros bucks. Avec Du big le game. Jeu The Hunter Call of the Wild, développé par Expensive Worlds. La pochette, c'est comme un gros studios. Tabarnak de chevreuil. C'est comme un chevreuil géant. C'est comme un gars dans le chevreuil, pis t'as des ours alentours, là. Des ours, man. Des ours. Un loup et un ours. Ouais, exactement. C'est une chimère de chasse. C'est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu a été testé sur la PS4. Et comme je dis, c'est un simulateur de chasse. Donc, je vais vous mettre du gameplay ici pour vous montrer. Donc, c'est vraiment un open world de nature, justement, vivante. Là. Vivante jusqu'à temps que tu tires dessus. Là. C'est tellement beau. Ouais. Mais, donc, tu as deux mondes là-dedans où tu vas te promener. Deux endroits dans la planète, en fait, avec des forêts. Et puis, première affaire magnifique à dire de ce jeu-là, c'est que c'est magnifique. Ah, ouais, c'est j'ai ça. J'ai jamais capote, vu là, j'adore regarder un simulateur naturel comme ça, là, autant poussé de voir autant les traces des chevreuils qui se promènent dans Ils n'ont pas le choix, les jeux de chasse, parce que chasse pas tant. Là. C'est pas arcade, ça. Là. Non, c'est mais long, ça, là. Ça, c'est l'affaire fait à dire. Faut que ce soit beau. Ce jeu-là s'adresse pas à n'importe qui. C'est vraiment un simulateur à 100%. C'est vrai, ça Ellie. En particulier, on en parlera tantôt parce que j'ai joué avec lui au Weekend Gaming, donc c'est lui qui m'a aidé à faire ma critique en m'expliquant le jeu. Ce qui était un petit peu un de mes points négatifs en partant du jeu, c'est qu'on te met dans un camp de chasse, puis t'es là, puis tu sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. T'as un gun, ils vont t'expliquer, bon, voici comment on tire, voici comment on prend une photo. Bon, ben vas-y, là, tu sais. Oui, tu as décidé de t'enlever la vie. J'ai essayé, ça ne marche pas. Tu peux pogner. Ton 4x4 peut pogner en feu, par exemple. mais tu peux mourir. Si tu gosses trop les chevreuils puis qu'ils te foncent dedans, là, pour vrai? Tu peux mourir dans le jeu. J'aime ça. Donc, c'est ça. Là-dedans, en fait, c'est la base de la chasse. Fait qu'il faut être vraiment stealth dans le jeu. Faut être vraiment prudent. Tout a un impact. N'importe quoi. Il pleut, il y a du vent, tu cours, tu marches, ça a un impact sur le bruit que tu fais. Les chevreuils vont se pousser à tout champ. Fait que ça devient vraiment complexe. Si tu veux faire un kill, là, ça peut te prendre une heure, puis ça se peut que tu manques ton coup. Là. Wow! C'est quoi la moyenne de temps à peu près pour un kill? Honnêtement, d'après moi, une bonne demi-heure, 40 minutes peut-être, à moins d'être vraiment chanceux, puis de tomber sur un chevreuil devant toi, puis de le temps de dégainer, puis de le pogner à bonne place. Parce que ça, c'est une autre affaire, c'est que simulation. Donc, si tu tires pas le chevreuil à bonne place, dans un organe vital, il va sauver. Là, faut-tu suivre les traces de sang, puis... Ouais. Allez, tu finis par laisser le retrouver, il sauve, peut-être qu'il meurt pas, fait que, t'sais... C'est tabarnak, là. Faut vraiment être un amoureux d'observer la nature pour apprécier, je pense, ce jeu-là, puis... Donc, ça, je disais, soyez discret, faut que t'analyses tout là-dedans. Fait que les traces de chevreuil, les crottes à terre, ça donne droit à des discussions vraiment le fun, genre, hey, le tas de merde t'as ramassé, il est-tu frais? Non, ok, mais d'abord, suis traces de sang, on continue à chercher le chevreuil. C'est ça. Fait que c'est tout ce qu'il y a de plus frais dans le fond, le sang ou la marde. C'est la bière dans le jeu. La fraîcheur. J'ai pas vu de bière. Ah, dans les jeu. Petits caca qui glow. Là. Ouais, ça glow. Fait que dans le fond, quand tu vas détecter une piste, soit un caca, soit une trace en gazon, ça va te dire, bon, ben maintenant, ce qui va glower bleu, c'est la suite de ce que tu suis. Ok. Fait qu'au moins, tu peux un peu savoir où tu t'en vas. Faut bien que tu portes attention au son dans le jeu aussi. Donc, il y a des. des mating calls, là, des cris d'accouplement tu peux détecter. Fait que ça fourre en plus. Ouais, fait que tu peux un peu spotter des animaux animales, comme ça. Hein. Des animaux pareils, man. des animaux faux. Fait que voilà, ça, faut que tu tires au bon endroit au bon moment. Même affaire que quand tu vas tirer, là, il faut que tu sois hyper prudent. Il faut que tu tiennes ton respire avec un bouton. Ah. Là, on voit ici comme le, la shot que tu as tiré, mettons un chevreuil. Lui. On voit où tu as tiré. Lui, il l'a pas dans un organe vital. Ouais. Si tu tires dans la colonne, tu sais, ou ailleurs, ben c'est plusieurs à pogner après ça parce qu'il va sauver puis il va être capable de sauver vraiment loin ton chevreuil. C'est ça. Tu peux rencontrer des ours, d'autres affaires, là, des coyotes. Il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Il y a des camps de gestes à découvrir. La map est immense. C'est quand même très bien, là, pour vrai. Tu peux-tu juste, comme, camper, attendre là, prendre une coupe de bière avec tes Trump? C'est pas Final Fantasy 15, là. Mais tu peux quand même faire ça parce que, dans le fond, quand tu vas tuer des animaux, il n'y a pas de reward en tant que tel. Fait que ouais, c'est ça. T'as comme, t'as comme pas d'intérêt à tuer des animaux. La seule fois que ça donne, c'est que ça donne de l'argent. Puis l'argent te fait augmenter ton équipement. Fait que tu vois des meilleures balles, des fusils plus adaptés. Tu peux acheter des tentes. Un rocket launcher. Fait que tu peux aller te placer dans, dans un endroit, mettre une tente, puis juste attendre. Dans la tente, d'être caché là. Puis lire un livre. Lire un livre, puis attendre que les chevreuils arrivent. Bon, on voit à l'écran, seulement, il y a plusieurs chasseurs. Donc oh, t'as des chums de chasse. Donc on peut aller faire. Tu peux tirer, hostie. Non, ça aussi, on a essayé, moi, puis Ellie, parce que c'est ça. Donc, on était au WEG en fin de semaine. Et puis, moi puis Ellie, on avait deux PlayStation 4. Et puis, on a joué en co-op. Vous essayez de vous tuer. On a essayé de se tuer. On a joué en co-op à deux. C'est vraiment le fun à deux. Surtout quand t'as un gars qui connaît ça. Ouais, parce que sinon, il fait juste du bruit. Puis, il fait chier. C'est ça. Moi, j'étais là, je suis comme, Ellie, c'est quoi ça? C'est quoi cet appât-là? T'as des affaires qui font du bruit. Mais t'as aucune idée que ça fait. Faut que tu cherches des menus. Tu regardes un peu, t'essaies de comprendre. Mais il t'explique pas vraiment qu'est-ce que tu fais de pas correct, qu'est-ce que tu fais de correct. Mais Ellie savait ce qu'il faisait vraiment. Puis, ça a été bien plaisant. Bon, il y a une couple de glitch dans le jeu. Des fois, les chevreuils vont freezer un peu. Des fois, ton fusil va disparaître quand tu vas changer d'arme, puis c'est difficile à le ramener. On a trouvé un spot que Lee m'a montré. Je pense que dans le jeu, ils ont programmé un endroit où est-ce que tous les chevreuils qui ont peur se dirigent. Fait que, il y a comme un genre de 20 par 20 où est-ce que tous les chevreuils se ramassent là. Ouais. Fait que tu te mets loin, puis tu sais là-dedans. Tu sais dans le tas, puis tu sais des chevreuils vraiment de loin. Faut que tu le trouves, il est où? Mais il y a un spot que je pense que c'est un glitch là dans le fond, que ça devrait pas être là, cette place-là. C'est bizarre. Il y a un pat quelque part là qui... Tantôt, je parlais qu'il fallait stabiliser son respire en tirant. Si tu cours pour aller vers un chevreuil puis tu veux stabiliser, tu seras pas capable parce que tu vas être trop essoufflé. Ah oui. Ton gun va aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Fait que ça a de l'impact jusqu'à ce point-là. Là. Okay. C'est, la simulation est vraiment totale et c'est une vraie immersion complète. Là. Étant donné que c'est très, très réaliste, je peux dire que c'est... pas très accessible pour le grand public, ce jeu-là. Non. Contrairement à peut-être un farming simulator, d'autres types de simulators qui vont l'être plus accessibles. Mais Flight Simulator, je trouve que ça l'est plus. Ça, c'est... faut que tu saches vraiment qu'est-ce que tu fais, là. C'est drôle, parce que j'en avais essayé un jeu de chasse, puis je pensais que c'était de lui qu'Ellie me parlait quand il me parlait de celui-là. Au WEG, puis c'était vrai. Non, ouais, mais c'était avant le WEG que j'avais essayé ça, puis c'était vraiment... tout était comme des bars à gérer, puis c'était vraiment weird, puis c'était vraiment laid. C'était comme, je me disais, c'est donc ben pas, je me semble que le fun d'aller faire la chasse, c'est la forêt, puis de perdre l'animal la dans le bois, puis là, c'était juste, il n'y avait pas d'arbre. c'était pas optimisé du tout, mais ça a l'air vraiment magnifique, mais non, en même seulement temps, c'est ça rend beau, la chose. C'est vivant, puis tout a de l'impact. Si le vent est dans ton dos, ben le chevreuil va te sentir si t'avances vers lui parce que le vent transporte ton odeur, fait que ça va jusqu'à ce point-là. Calisse. Même la pluie va affecter tout. Il y a des chevreuils qui marchent sur un pont, je sais pas trop. Là. Ben ça arrive ça, Jean-François. Ouais, mais c'est humain. Ben rare que je vois un pont en forêt, pas te dire. C'est pas juste pour nous autres, ça là. Non. Fait que ouais, ben bref, super belle expérience quand même, là. C'est un jeu qui est magnifique. Coupe de bugs, vraiment, sachez ce que vous achetez quand vous achetez ça. Si vous voulez un simulateur, ben sérieusement, là, n'hésitez pas une seconde. C'est le meilleur simulateur de chasse que j'ai jamais vu. C'est pas arcade. Attendez-vous à un genre de big hunt là, que tu vas juste tirer des bugs qui passent devant toi. C'est vraiment pas le cas. c'est très, très stealth. Prenez votre temps. Puis... ben, c'est très bien, puis pour toutes ces raisons, je vais le donner la note de 7.5 sur 10. Ah, c'est très bon ça. Dans le fond, comme un simulateur, j'irais donner un 9, mais comme un jeu, j'irais donner un 6. Fait que je me suis dit, ben tu sais, pour quelqu'un comme moi dans le milieu, mais c'est un 7.5. Fait que j'ai quand même du fun avec. Si vous aimez pas les simulations du tout, ben c'est un 6 pour vous. Fait que achetez-le pas, puis si vous êtes des fans de simulations de chasse, c'est un très très bon 9, là. Allez-y tout de suite, là. Ben, t'avais un chum de chasse. Vous allez capoter. Ben, j'avais un chum de chasse, fait que ça m'a beaucoup aidé, puis il m'a beaucoup indiqué quoi faire, en fait, dans le jeu. Fait que ça m'a aidé. C'est comme la version C'est comme une option vegan, dans le fond. La des chasse. Gens qui aiment la vraie chasse. Mais donc, au lieu de tuer du vrai monde, des vrais animaux. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, moi pis Ellie, on marche dans le bois, puis comme, hey, on suit une trace là-bas, puis on est blablabla. Hey, bouge plus! Mets tes jumelles, il est là-bas! Ok, je le pogne! Puis là, tu sais, comme. Alors, ben ça, c'est. Dès que t'en spot un, t'es comme, oh shit, tout le monde est ses talons, tu sais, puis là, tu veux le tuer, là. Mais dès que t'en vois, tu deviens vraiment stressé parce que tu veux pas le faire free. Fait que là, tu te couches dans le gazon puis tu prends ton temps. Mais... Ouais. Sinon, comme dans la vraie chasse, tu passes une semaine après à t'engueuler sur l'autre qui a fait peur à telle affaire. Ouais, c'est ça. Moi, mes oncles, à toutes les années à Noël, il y a toujours une chicane qui roule encore rendue là. J'adore ça, la chasse. Aïe, aïe. Alright, fait que sur ce, Fred. Ren Hein. Après mes anecdotes de chasse. Frank Castle! Yeah, Frank! Oh, c'est bon, bon segue. Fait que cette semaine, The Punisher, hey, je me suis dit, comme la série Netflix s'en vient bientôt. Oui, c'est crème, on va aller célébrer ça. Bien avec, vu. Tellement de belles apparitions dans la dernière série de Daredevil. Ben oui, il était carrément Frank Castle. Il était carrément acteur aussi. Il est dark pas mal. Fait que. Supposé être dark. C'est ça. Fait que pour l'occasion, je me suis pas attardé au jeu NES qui est un peu. Qui est pas mal moins dark. Ni au jeu de PS2 parce que lui, il est très très dark. Il est très. Ouais, lui, il est méga dark. Ouais, c'est vraiment très bien. Il y a des kills incroyables dans ce jeu-là, dignes des meilleurs films d'horreur, puis ils sont en noir et blanc. Ouais, c'est parce qu'ils sont trop intenses. C'est ça. Fait que je suis allé. Fait que je me suis enchaîné vers la version classique que tout le monde aime et connaît, qui est The Punisher, le beat'em up. De Capcom. Donc, là, aujourd'hui, on va parler de la version Sega Genesis qui, elle, a été développée par Sculpture Software qui faisait, en fait, pas mal de ports à l'époque. Mais quand on dit des ports, là, c'est vraiment quasiment un refait au complet. Là. C'est pas juste poigner la version d'arcade et transposer ça. Ouais, parce que les sprites d'arcade sont plus gros que ça. C'est ça. Donc, c'est disponible sur Sega Genesis seulement ou à l'arcade chez Arcade Montréal. Hey. Tiens donc, toi. Puis, si vous voulez vous le procurer sur Sega Genesis, il faut s'attendre à payer peut-être 80 à 240$ pour avoir une copie complète en boîte. Wow. Donc, c'est des gros bidous. Là. C'est des bidous. C'est un Holy Grail du Genesis. C'est dans les plus petits Holy Grail. Maintenant. Ouais, c'est dans les plus abordables jeux de rares du Sega Genesis. Ouais. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un beat'em up inspiré d'un jeu d'arcade. Et à l'arcade, en fait, c'était basé sur l'engin de Final Fight. Donc, la version d'arcade était vraiment très aimée parce que ça ressemblait beaucoup à Final Fight, mais plus violent avec, justement, le personnage du Punisher. Et Nick Fury. Et Nick Fury. C'est vrai, quand on joue à deux, on a Nick Fury et et on c'est whitewash Nick Fury maintenant. Parce que pour ceux qui connaissent les Marvel depuis toujours, Nick Fury avant était blanc et maintenant est devenu noir. Ouais. Dans les Ultimates, c'est dans les films. Et il est pas mal plus cool maintenant. Ça a déjà été David Hasselhoff. Ouais, c'est exactement. Bien, Nick le blanc Nick Fury avec son On l'appelle, sport. Nous, whitewashed. Et, donc, au côté de l'histoire, c'est vraiment typiquement inspiré un peu des comics de Punisher. Là. C'est genre le Kingpin qui fait des magouilles puis des vilaineries dans les rues de la ville avec de la drogue et tout. Puis il faut que tu ailles évidemment péter à la gueule. Donc, c'est quand même drôle d'avoir un jeu de Sega Genesis dans lequel tu te promènes dans des champs d'opium. Il y en a pas beaucoup. faut souligner ça quand même. Sinon, côté gameplay, comme on peut voir, là, c'est très standard de beat'em up. Donc, tu peux faire des petits combos quand t'es en ligne 2-3 taloches correctement sur les voyous. Tu peux ramasser leurs armes par terre. D'ailleurs, c'est très drôle. On peut voir l'inspiration japonaise parce que, bon, c'est The Punisher. Et parmi les armes que tu peux avoir, t'as des katanas, des shurikens et tout. Donc, bon, Capcom, c'est pas trop cassé le Point c'est, américain c'est ça, malheureusement. par contre, ce qui est vraiment le big thing qui est unique à ce jeu-là, c'est que tu as des passes de shooting. Donc, c'est assez simple quand même comme moment. Mais c'est à certains moments dans le niveau, il y a des ennemis qui vont arriver avec des guns. Puis là, Frank Castle dégaine son pistolet puis règle ça à grands coups de bang-bang. Ah, c'est merveilleux. Ça. Puis c'est vraiment très simple. C'est du gros button mashing, mais c'est bien le fun. Puis tu sais, tout ce que tu as à faire dans le fond, c'est un peu éviter les balles de l'autre. Puis ça y va de main. C'est pas compliqué, mais bon. C'est comme on voit présentement. Exactement. Tipitonne, t'évites les balles, pitonne. Et voilà, c'est fait. À l'arcade, c'était beaucoup plus rapide puis beaucoup plus fluide, par exemple. C'était pas mal de fun. Donc, tu fais ça au travers d'environ 6 niveaux. Enfin, pas environ, il y en a 6 des niveaux. Puis chaque niveau a des boss à la fin. Donc, des boss inspirés des comics allant du. Il y en a qui sont pas mal plus fun que d'autres, disons. Là. Mais bon, c'est standard et beat'em up là-dessus. Donc voilà, malheureusement, par exemple, ce jeu-là, je trouvais que j'étais surpris. Je trouve que ça rend pas nécessairement justice à la version arcade. Il joue-tu à deux, excuse-moi? Il se joue à deux, oui, je l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais c'est bien important, habituellement, il faut le jouer à deux. Donc, c'est la version d'arcade est pas mal plus supérieure. Comme juste tout à l'heure, c'est vraiment une adaptation du moteur de Final Fight. Ça sent à l'arcade. Ça ressemble beaucoup plus à Final Fight. Il y a plus de détails, plus d'affaires que tu peux briser. Le jeu est un peu plus difficile. Par contre, sur Genesis, c'est un peu trop watered down, je trouve. Tu sais, premièrement, il y a eu de la censure à certains endroits, là, mais je pense que c'est souvent... C'est James Earl Jones dans le cadre. C'est ça. C'est supposé être le Kingpin, mais bon. Puis, bref, c'est un peu moins violent. Il y a des personnages qui manquent. Il y a des petites affaires comme ça qui ont été faites pour fitter sur une cassette. On le sent un peu. Là. Ouais. Sinon, les graphismes sont assez différents. Ça ressemble beaucoup plus à un look comique qui n'est pas tout le temps beau à comparer au style arcade qui ressemblait beaucoup à justement à Final Fight. Ben oui. Ouais, ben, je trouve ça pas pire quand même. Moi, c'est correct quand même, je trouve. Mais... Ben ouais. Par rapport à certains autres jeux de Genesis, c'est pas le plus beau, mais ça fait la job. Sinon, la musique est vraiment pas très bonne. Là. C'est quelque chose qui loupe classique un peu. Ouais. Puis, un petit peu moins d'ennemis. Par contre, ça reste quand même un bon beat'em up. Donc, il y a quand même une bonne variété d'habilités que tu peux faire et tout. Il y a quand même une bonne durée de vie. Là. Au WEG, on l'a passé avec Joe. Puis, tu sais, je l'ai fini sa dernière vie. Puis, c'était comme, fallait que je réussisse. Là. Fait que, tu sais, ça m'a pris deux shots pour le faire. Donc, c'est quand même bon. C'est vraiment meilleur à deux joueurs. À un joueur, ça devient un peu tough. C'est le genre de jeu qu'il y a à deux players, t'as le même nombre d'ennemis, fait que finalement, t'es correct. Exact, c'est ça. Plus ça. Simple, fait que bring a friend, enjoyez ça. Les petits segments de shooting, c'est vraiment niaiseux, mais c'est vraiment le fun. Genre, j'aimerais ça qu'on voie les balles sortir du gun. Ouais, mais c'est parce que tu tires un peu partout. C'est que les ennemis, t'es pas obligé d'être en lien avec eux autres. Ils peuvent être une petite cible qui s'en va les viser, fait que... C'est vraiment mieux de même, c'est je pense. Ça te permet de pitonner. Mais ça aurait été beau, mais ça aurait été différent à c'est programmer. Ça. Moi, je trouve que ça aurait été le fun que tu puisses sortir un gun littéralement à tout tirer dans ton écran. Ouais, ben ça c'est. Ah. Ça, c'est le. Un zapper, la gun du Genesis, là. Le menacer. Ouais, le menacer Genesis, il se prêtait pas bien à ça, par exemple. Gun de sinon, le petit storyline entre les niveaux, je l'ai trouvé le fun. C'est rare les beat'em up que je lis, mais là, c'est le Punisher. Puis c'est ça a comme le ton un peu. Ça c'est un peu mélodramatique dans le sens que c'est un jeu de Sega Genesis, puis ça essaie vraiment d'être dark, puis d'être lourd comme le Punisher, puis ça réussit pas vraiment. Mais ça donnait un ton le fun. Moi, j'aimais ça. Ça faisait un petit quelque chose. Malheureusement, il y a quand même quelques lacunes. Les contrôles la version Genesis sont un peu clunky. Là. Les animations aussi, là, il manque des bouts, puis c'est pas assez fluide, puis t'as pas le même feeling fluide puis rapide que dans Streets of Rage. Les boss sont vraiment un peu gossants. Là. Le deuxième boss, particulièrement, là, c'est un coin sucker. Là. C'est un gros bonhomme qui fait tout l'écran, puis faut que tu te battes comme un épais pour l'avoir. Ouais. En fait, pour les battre, les boss, t'as comme des grenades que tu peux lancer dans le jeu. Puis pour les lancer, il faut que tu sautes avec ton personnage, puis t'appuies sur les deux boutons pour faire ton special attack dans les airs. Puis ça, des fois, je te dirais que 50% du temps, ça compute pas. Pis ça te fait... C'est vraiment le gros défi du boss, c'est d'être capable de lâcher la grenade. Quand la grenade tombe, le boss, ça devient un vrai petit charme. Sinon, beaucoup de longueur dans certains niveaux. Il y a beaucoup de moments où est-ce que t'as l'impression qu'ils ont tiré la sauce en spawnant, genre 360 ennemis. Bien important de dire aussi, d'ailleurs, t'as un timer à chaque fois que t'as des encounters comme ça. Donc, ça m'est arrivé une fois de mourir à cause que j'ai manqué de temps parce que j'ai pas calqué mon affaire. Ah ouais. Et bon, finalement, un petit peu niveau un petit manque de variété au niveau des ennemis, mais bon. Somme toute, ça reste quand même un jeu qui est plaisant à terminer à deux, mais je veux dire qu'il ne va pas nécessairement finir dans votre top 10 personnel. C'est beaucoup meilleur à l'arcade. J'ai dit le mot beaucoup meilleur. Arcade Montréal, Saint-Denis. C'est ça, allez jouer à Arcade Montréal. Sinon, si vous tombez là-dessus pas trop cher ou que vous êtes vraiment connaisseur. Ouais, pas trop cher. Parce que... Puis si vous le voyez pas cher, achetez-le de toute façon. Exactement. Ouais. Parce que vendez-le le trip du prix. Mais pas cher, Arcade Montréal. Paye 7 piastres son entrée. T'as de la bière. Donc, si tu viens en semaine, t'es un étudiant, ça coûte juste 5 piastres, on te donne une paire. Bref. Un party de Noël, tout est possible. Bref, si vous êtes fan de Punisher. Je vais juste finir, j'ai un Xardos, les boys. Là. Vas-y. Combien tu donnes à cette. Fait qu'à ce jeu, pour toutes ces raisons, je lui accorde la note de 7 sur 10. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est le moins bon jeu ici ce soir. Ouais. À date. C'est correct, mais je ramasserai pas. J'irai jouer à l'arcade à la place. Moi, je jouerai à l'arcade aussi. Parce que 80 piastres. J'aimerais l'avoir dans ma collection. parce que c'est hot pour la collection. C'est puis ça. Ouais. Quand même. Parce que la pochette est belle. La pochette est belle, ouais. Frank Castle, on dirait qu'il y a vraiment les pires rages d'hémorroïdes de tous les temps. Là, il comme... Mais il dit aussi de belles dents, par exemple. Ah, il est belles dents propres. Mais il dit pas les dents. Il a perdu sa famille, assassiné dans un parc, mais pas les dents, par contre. Je le trouve trop propre, moi, par exemple. J'aime mon Punisher. Ouais, c'est vrai. Comme magané. Ouais, Punisher, The Daredevil, c'est bleu, luisant, propre, rouge. Mais il y a eu deux versions de Punisher, comme le Punisher War Journal. Lui, il était badass. Ouais, là, lui, c'est dark ça. Fuck, mais il y a eu un Punisher, justement, un peu cartoony quand ils ont essayé d'intégrer ça à l'univers Marvel pour enfants. Non, il avait pas le choix, là. Que... Mais c'est ça, c'était pas mal un méchant Spider-Man à la base. Là, fait, c'était ça. Botte blanche puis spandex. Ouais. Ah, seigneur. Hey. Fait que, sur ça, on va aller en pause. Yes. Et puis, après la pause, critique de Super Mario Odyssey. Ah, comment t'as entendu parler de ça? L'or gris. Ainsi que notre discussion retour sur le WEG. Yeah. On est encore sous. Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. Here we go, off the rails. But you know, it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Any bags, pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my life is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon. Jump with me, grab coins with me, oh yeah! It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, you'll feel a jet tickle. I'll be your one-up girl. You know that you're my superstar. No one else can do. Yes, oh, sir! Et Colin, c'est parfait comme tout pour avoir. Et Colin de retour. Donc, sans plus attendre, je vais faire la critique de Super Mario Odyssey, qui est sorti récemment sur Switch et exclusif à la Switch, évidemment, développé et publié par Nintendo. Le grand jeu de Nintendo que tout le monde attendait depuis l'annonce de la Switch. Yes. Il est enfin arrivé. Et je vais vous parler de l'histoire. Eh bien, là-dedans, Bowser, il veut marier Peach, donc il la kidnappe après avoir détruit la mythique casquette de Mario. Puis Cappy, un chapeau volant, va transformer le chapeau de Mario, va se transformer en le chapeau de Mario finalement, puis il va y expliquer en fait que Bowser a aussi kidnappé sa sœur. Ensemble, ils doivent empêcher le mariage, puis en voyageant en fait partout dans le monde, dans l'univers, avec l'Odyssée. Qu'est-ce que c'est l'Odyssée? Eh bien, Odyssée, c'est une espèce de grand chapeau qui est en fait un grand vaisseau qui permet de voyager à travers les mondes. C'est vraiment le chapeau est à l'honneur. Oui, le chapeau est à l'honneur. Ils sont allés all the way avec le chapeau, même qu'à l'intérieur de l'Odyssée, quand tu chilles entre deux tableaux, tu bois du thé. Ben, Colin, la tasse de thé est un chapeau. Okay. C'est complètement. Plein avec un chapelier quelque part. Wow. Fait que c'est ça. Fait qu'on pourrait dire direct en partant que Odyssey c'est un retour aux sources. C'est comme une espèce de mélange. On mélange le côté d'exploration et sandbox de Super Mario 64 puis le platforming de Super Mario Galaxy. Donc moi, quand j'ai commencé ce jeu-là, j'étais un petit peu contrarié parce que je suis pas le plus grand fan de Mario 64. Mais en fait, pas pour le gameplay comme tel, parce que le gameplay comme tel de Mario 64 était quand même bon. Mais c'est un jeu, c'est ça, que je trouve qui a mal vieilli, qui est quand même plus intéressant sur DS. Mais Je suis plus dans Team Mario Galaxy, moi. Puis je me suis rendu compte que là-dedans, en fait, on a le meilleur des deux mondes. On a le côté sandbox de 64, le côté exploration de 64, mais on a vraiment le platforming de Galaxy dans le sens où il y a plein d'endroits dans les niveaux qu'on va découvrir en explorant où on va avoir du gros platforming bien intéressant à faire. Là-dedans, tu voyages dans une multitude de mondes grâce au Odyssée dont j'ai parlé tantôt, puis il faut que tu trouves des lunes dans chaque niveau. Ces lunes-là, en fait, c'est ça qui va te donner l'accès au prochain niveau. Donc, admettons que ton Odyssée dit « Ben moi, il me faut 15 lunes pour partir. » Fait que là, faut que tu trouves 15 lunes dans le niveau dans lequel tu es pour pouvoir te rendre ailleurs. Ces lunes-là sont parfois très, très, très faciles à trouver, voire vraiment évident, comme, mettons, le sol qui glow ou tu sautes sur trois affaires, puis après ça, il y a une lune qui pop. Des fois, c'est très facile, mais des fois, c'est quand même assez difficile parce que justement, tu as des grosses sections de plateforme vraiment difficiles où tu vois ta lune plus haut puis tu te dis « bon, ben, je vais y arriver ». Des fois, c'est de remplir un défi comme une course justement à relais ou une espèce de un moment donné, tu as une course même avec un véhicule. Il y a un remote control car aussi, à un moment donné, un char téléguidé. Faut que tu finisses la piste pour pouvoir avoir accès à une lune. Donc, il y a aussi plusieurs gameplays. On voit ici un Mario en 2D. C'est que, en fait, dans le jeu est complètement en 3D, mais des fois, on rentre dans certaines sections où on va rentrer dans le mur, puis on va faire une section de Mario 2D, pareil ouais. Comme dans Super Mario Bros. 1. Fun, ça. Puis, dans chaque tableau, il y a des boutiques. Puis, dans ces boutiques-là, tu vas pouvoir acheter du linge pour Mario, tu vas pouvoir acheter d'autres choses aussi, tu vas pouvoir acheter des accessoires, des bibelots, des trucs pour décorer l'intérieur de l'Odyssée. Des gréments, comme cossins. Tu le dis si bien, des cossins. Puis aussi, ben c'est ça, les costumes, ça varie énormément. C'est des costumes qui vont aller de l'historique de Mario, comme justement, t'as le costume de Super Mario Maker, t'as un costume justement plus fiesta mexicaine. Un petit peu plus tard, t'as même costume de Luigi, costume de... Ah ouais. Je veux pas donner de spoiler, donc j'en dirai pas trop, mais t'as plusieurs costumes. T'as même Dr. Mario aussi à un certain point. Nice. Donc c'est ça, il y a vraiment beaucoup de costumes. Puis c'est pas quelque chose qui te donne totalement quelque chose. T'sais, le linge, tu peux le mettre juste pour le fun. Mais dans le niveau aussi, des fois, tu vas avoir une porte qui est barrée puis tu peux juste y accéder si tu es déguisé d'une certaine façon. Okay. Donc ça, c'est un côté bien intéressant. Les mondes, ce qui est le fun, c'est que les mondes sont très, très variés, même qu'on aurait l'impression par moment que ça vient de différents jeux. Une fois que tu le vois dans son ensemble, tu vois que ça vient d'un tout. Mais si tu les vois dans un trailer comme ça se tient vraiment bien. Ça se tient complètement parce que tu as tout le temps des choses qui relient les niveaux les uns aux autres. Des fois, ça va être les ennemis où ça va être le type d'objet qu'il y a pour le platforming. Donc, il y a des affaires qui relient chaque niveau un avec l'autre. Puis les ennemis, bon, il y a quand même un design très Nintendo, très Mario Bros. Qu'on voit partout. Ouais. Là-dedans, grosse nouveauté, je suis même pas arrivé là encore. Grosse nouveauté, c'est Cappy, comme on voit présentement. Cappy, c'est ton chapeau. Puis avec ton chapeau, tu peux le lancer pour frapper quelque chose ou tout simplement pour prendre possession du corps d'un ennemi. Ouais. Donc, tous ces ennemis-là vont être différents. Comme, mettons, tu peux prendre le corps d'une grenouille pour sauter plus haut, prendre un bullet bill pour pouvoir foncer puis exploser dans quelqu'un, une boule de feu pour nager dans la lave, tu peux avoir... un humain. Qu'est-ce que ça fait quand il... Ben, l'humain que tu... Je le dirais pas tout, mais l'humain que tu contrôles, c'est pour contrôler un char téléguidé. OK. Dans New Dunk City, donc tu prends contrôle de son corps, puis lui il fait juste contrôler. Fait c'est pas trop creepy l'humain comme c'est là. Et tout ça est peu intéressant quand tu prends compte du fait que tu peux contrôler un T-Rex. Ouais. Moi, c'est là que le jeu s'arrête. Le T-Rex, c'est ça. C'est dans les débuts du jeu. Puis c'est ça, tu peux absolument tout détruire, donc c'est vraiment génial. Chaque niveau est vraiment totalement différent, voire unique. Puis il y a certains passages qui sont vraiment un gros hommage à Mario. Il y a certaines affaires que tu vas voir qui vont te rappeler des vieux Mario, en fait. Entre autres, justement, dans New Dunk City, tu vas trouver plein d'archives de Donkey Kong là-dedans qui sont bien intéressantes. Puis c'est ça, là-dedans aussi, il y a des ennemis. Comme on peut voir, il y a une multitude d'ennemis. Puis les ennemis, c'est ça, sont super drôles la plupart du temps. Il y a des nouveaux ennemis qu'on n'avait jamais vus auparavant qui sont vraiment comiques. C'est un mix vraiment des vieux Mario puis du nouveau stock. Les boss présentent quand même un défi honnête, mais je les ai pas trouvés particulièrement difficiles la première fois que je les ai rencontrés. Donc c'est ça, on va les rencontrer une deuxième fois un peu plus tard, donc là ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Mais en général, le jeu est pas très difficile. C'est un jeu qui est quand même assez assez permissif. T'sais, on veut que tu aies du fun, on veut que tu aies un gros sourire d'en face. Puis c'est vraiment, c'est un peu ça Mario Odyssey aussi, c'est que c'est un jeu qui est facile d'approche, mais si tu veux vraiment y donner du temps puis trouver toutes les lunes, c'est là que tu vas trouver un vrai défi puis que le hardcore gamer va trouver son compte. Ouais. Là-dedans, il y a 999 lunes à trouver. Puis t'as pas besoin des 999 lunes pour terminer le jeu. À peu près 150, je pense, pour faire le jeu. À peu près. Puis c'est ça qui fait que tu vas voir que le jeu va au-delà de ce qu'il te présente la première fois. 999 étoiles, c'est beaucoup de visites aux toilettes avec sa Switch. Ah ouais, c'est énormément. En heure de toilette, là, ça donne le vertige. Côté contrôle, au départ, on vous donne vraiment l'option principale de jouer avec les Joy-Con, un dans chaque main, pour jouer avec les contrôles de mouvement. Moi, personnellement, c'est pas l'affaire que j'aime le plus au monde. C'est quelque chose qui fonctionne, mais j'ai préféré jouer avec un Pro Controller. Ouais. Quand tu joues avec un Pro Controller, par contre, tous les mouvements sont normaux, puis c'est classique Mario. Il se contrôle extrêmement bien, Mario, ce qui fait justement que le jeu est si le fun à jouer. Sauf que maintenant, avec Cappy, on peut lancer le chapeau par en avant. Ça, il n'y a pas de problème. Ça signe un bouton. Mais sinon, le reste des mouvements de Cappy, comme disons l'attaque circulaire ou l'attaque verticale, ça se fait avec un mouvement de la manette. Fait qu'il faut que tu shakes ta manette pour qu'elle fasse un mouvement circulaire. Fait que tu fais quoi avec ta Pro Controller? Ta Pro Controller, tu fais le mouvement justement, ta swing, ça va le faire. Au départ, je trouvais ça un peu forcé, mais finalement, c'est très naturel. Puis quand tu le fais, quand tu es en train de jouer, tu t'en rends même plus compte, ça fonctionne bien. Où ça fonctionne moins bien, c'est avec la Switch au complet. Quand tu joues en mode handheld, c'est un peu weird de shaker ta machine au grand complet. T'as l'impression que tu vas péter quelque chose. Mais tu peux faire ces mouvements-là comme... vas-y. Exact. Avec le joystick, tu peux faire un mouvement circulaire qui va créer le même mouvement, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Puis disons que t'as à peu près... 6 ennemis qui sont autour de toi, puis tu aurais besoin de faire le mouvement. Mais moi, j'ai choisi de sauter quand ça est arrivé, puis que j'avais en mode handheld parce que c'était trop difficile à faire avec en circulaire. C'est ça, bref, en tout et partout, Mario, il se contrôle vraiment à merveille, c'est incroyable. Puis aussi là-dedans, il y a le support des Amiibo. Le support des Amiibo est simple, c'est qu'en fait, tu as Mario, Peach et Bowser dans des costumes de mariage, de noces. Et puis, si tu les prends, ben c'est ça, t'as des power-ups comme l'invisibilité dans le cas de Mario, la vie dans le cas de Peach et l'emplacement des sous mauves dans le niveau. Puis aussi, tu vas avoir évidemment les costumes de mariage. Donc, ça peut être intéressant quand même, les Amiibo, pour ceux-là qui ont besoin que le jeu soit un petit peu moins difficile, mais le jeu est pas très difficile en passant. Pour les enfants, ça peut être bien. Comme le pour nombre les de, enfants, de vie c'est est ça. Un peu illimité, si t'es prêt à passer un boss pour un enfant, exactement. Tu sors l'Amiibo, puis c'est réglé. C'est tout le temps le fun, c'est d'avoir... Vas-y, il faut payer 15$, ça c'est facile. Ouais. Puis c'est ça, sinon Captain Toad aussi va être là à certains endroits, puis on peut acheter des trucs, acheter des indices pour savoir où sont placées les lunes. Il ne nous dira pas exactement son où, mais il va nous mettre des points sur une carte qu'on peut accéder en pesant sur pause. Une carte qui était comme justement ouverte devant nous. C'est vraiment très beau. Puis c'est ça. En co-op, on contrôle. Il y a une personne qui contrôle Cappy, puis l'autre personne contrôle Mario. C'est un très bon mode. Si vous voulez jouer parent-enfant, c'est vraiment génial. Le parent prend Cappy, l'enfant prend Mario. C'est beaucoup plus facile de faire les boss. Puis tantôt, on l'a fait dans le pre-show, moi puis GF. Mais bon, ça, le pre-show a été public cette semaine, donc vous pouvez avoir accès. Tout le monde y a accès. On a fait un spécial Super Mario Odyssey, donc vous pouvez venir voir ça. Puis c'est ça, ce jeu-là, sérieusement, c'est un jeu qui est rempli de surprises. Moi, c'est un jeu qui m'a fait sourire du début à la fin. C'est tout ce qu'on aime vraiment de Mario. Puis je veux dire, à ce stade-ci, Mario, la seule compétition de Mario, c'est Mario. Ben oui. C'est littéralement ça. C'est tout le temps bon, Mario. C'est vraiment rendu les kings, sérieusement, pour le jeu de plateforme. Puis on prend tout le temps des notes de ce jeu-là pour essayer de faire d'autres jeux. On le voit bien. C'est vraiment un jeu qui en inspire d'autres. Puis c'est ça. J'ai eu du fun, puis j'en ai encore énormément. C'est un jeu dans lequel... je sais pas en fait quand est-ce que je vais arriver à terminer ce jeu-là. C'est un jeu qui est beaucoup plus énorme que je pensais. Puis moi, au départ, comme je l'ai dit au début, j'étais déçu parce que je me disais « Ah, c'est déjà la fin. » Mais en fait, c'est juste le début quand tu arrives à la fin. Puis en plus de ça, ben si tu cherches un jeu qui va te faire sourire, dans lequel tu vas avoir du fun, sérieusement, c'est le jeu pour toi. C'est tellement joyeux et sympathique. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de musique. Je trouve qu'il manque de musique dans le jeu. Okay. Mais malgré ça, c'est vraiment excellent. Sérieusement, j'essaie d'y trouver des défauts, mais j'en ai pas tant que ça à dire. Le hype était haut et puis c'est vraiment un jeu qui mérite tout son hype. Et pour toutes ces raisons, je lui donne un 10 sur 10. Oh! Que... voilà. Ouais? Ouais. Chef. Je suis vraiment d'accord. Là. Mais je pense que n'importe qui joue à ce jeu-là, tu sais, en fin de semaine, pendant le WEG, on l'a vu, il y a des gens qui étaient un peu off. Moi, la Switch, whatever, tu sais, c'est pas vraiment mon genre. Tu sais, Nintendo, c'est des jeux pour les kids. Puis ils ont joué à Mario, là, puis sérieusement, c'était comme des enfants, là, ils capotaient toute la gang. Il y a personne qui est indifférent quand ils jouent à un jeu comme ça. C'est un jeu qui est fait justement pour te redonner le feeling que t'avais quand t'étais un kid, puis que tu tripais sur ce que tu voyais à l'écran. Fait que c'est une grosse lettre d'amour à la série et aux fans de la série, j'ai l'impression. Ouais. Puis ça prouve que tu mets une moustache à n'importe quoi, puis ça rend de quoi sympathique. Ouais, exactement. Parce que tous les objets que tu vas prendre avec ton chapeau vont se ramasser avec une moustache, puis je trouve ça tellement drôle. Ah ouais, c'est vraiment drôle. Un T-Rex avec une moustache, c'est winner. Ah, puis je suis persuadé qu'il va y avoir du DLC pour ça, parce que c'est un jeu, tu le vois, là, qu'il peut, ça peut grandir, puis ça peut devenir quelque chose de... C'est ça, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus gros qui va vivre encore pendant des années et des années et des années. Fait que, fantastique. Sur ça, excellent. Fantastique, je passe le micro au gars de l'or gris. Yes, l'or gris. Hey, cette semaine, avant qu'on tombe dans les grosses... cette belle photo. On stand pas. Avant qu'on tombe dans les grosses trouvailles puis dans les grosses cassettes... Tu vas parler de quoi de plate? Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas plate. Tu vas parler d'un livre. Hey, hein? Mon talent, hein? Toi. La lecture, toi. Attends, montre-la cette caméra-là. Ah, on la voit jamais, cette caméra-là, c'est Jean-François. Ça. Ben, le livre qui s'appelle The Art of Atari. Alors, évidemment, quand j'ai montré ça à Dom, il l'avait déjà. Oui, moi, je l'avais demandé en cadeau à Noël dernier, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est assez récent quand même, ce livre-là. Ah, écoute, vas-y. Ben, c'est ça, j'en ai entendu parler à Metal Jesus Rock, qui parlait des livres de jeux vidéo et tout. Puis moi, honnêtement, j'ai tout un amour pour ces années-là de l'Atari et compagnie. Je trouve que c'était les années vraiment... les premières années de jeux vidéo, c'était comme un peu des rockstars, les créateurs de jeux et tout. Puis c'était vraiment hyper flyé comme univers. Tout le monde était vraiment pogné sur les trips d'acide, on dirait. Puis les jeux qui en découlaient étaient, ma foi, magiques. Donc, quand j'ai vu ça, c'est vraiment un livre, un excellent livre qui capture bien toute la magie de ces époques-là. Donc, évidemment, ça couvre une partie de l'histoire d'Atari et tout, de ses débuts à l'arcade et vers le marché maison. Mais aussi, on va beaucoup s'attarder sur les artworks des principaux jeux, comment on les présentait, parce que c'est vraiment assez intéressant quand même, parce que bon, on s'entend, l'Atari, la pochette te donne à peu près 50% de qu'est-ce que... Ah, plus que ça, dans ce temps-là. De qu'est-ce que le jeu est. Ben, mais ce qui t'explique aussi, c'est tout le thinking, comment est-ce qu'Atari pensait dans le temps. Exactement. C'était quoi leur valeur, eux, c'est autres, ça. Là-bas? C'était les artistes, c'était du monde passionné, t'sais, qui engageait. C'est fun, parce que dans le livre, ça se retrouve aussi, parce qu'on y va aussi pendant un grand moment par artiste. Donc, on te présente vraiment les artistes. On dit quels jeux ils ont travaillé, quel cover. C'est fascinant parce que tu rencontres qu'il y a un d'autre qui a fait les pochettes d'Atari que tu trouves nice. Ben, Chris, il a fait Mega Man 2, il a fait Roller Games, il a fait même des jeux récents, des jeux de Super NES. C'est le même dude qui a tout fait ça. C'est vraiment, exactement, c'est vraiment extraordinaire. Puis bon, il y a beaucoup d'affaires behind the scenes aussi. Là. On voit des dessins. Moi, je suis designer, fait que moi, des affaires de design technique, de cabinet, puis de, dessins et tout. Parce que ça parle... Atari, c'était les coin-up au début, c'était les arcades, puis comme c'est pas tout de suite les consoles, là, c'est venu bien plus tard, ça a été un très gros gamble de leur part qui ont gagné, là, finalement. Fait que on avait la section arcade, puis la section home console, puis le ratio a changé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, qu'ils fassent plus l'arcade du tout, en fait. C'est un livre vraiment intéressant que je suggère. C'est vraiment pas très cher. Ça coûte à peu près une quarantaine de dollars, je pense. Puis c'est quand même une grosse brique là, de contenu et d'images vraiment magnifiques. Mais les images sont tellement high-res, là, sont parfaites. Non, c'est ça. Ils ont fait la recherche, sont allés. Ils ont vraiment appelé tout le monde. Là. Ils ont essayé de retracer tout le monde, sauf ceux qui étaient morts. Fait que. Tout le monde sauf les morts. Il y en a des maganés. Et puis, ça, c'était très intéressant. Et puis, d'ailleurs, il est sorti un autre livre de ce livre-là, qui est la version poster. Fait que dedans, t'as genre une quinzaine de gros posters détachables que tu peux mettre dans ta chambre à coucher. Puis, tu peux tasser tes safaris découpés, là. Puis, tu mets ça, c'est vieux safari. En tout cas, bref, c'est un livre que je suggère fortement aux gens d'aller. D'attraper si vous avez de l'intérêt pour ces années-là. Comme je dis, c'est vraiment les années rockstar du jeu vidéo où les gens qui étaient à la base de tout ça étaient vraiment dans un univers complètement flyé puis qu'on s'imagine pas à quel point que c'était big dans ce temps-là. Exact. Contrairement à aujourd'hui où c'est des équipes de 400, là, on parle de deux gars des fois. Non, mais c'était des trailblazers là, dans ce temps-là. Il n'y avait rien qui existait. Tout ce qu'ils faisaient, c'était nouveau. Là. Mais c'est même si vous aimez pas Atari là, ou jouez à l'Atari ou whatever, c'est très intéressant pour votre culture vidéoludique à tout le monde. C'est important de lire des livres, tout le monde. Surtout sur l'histoire du jeu, si vous vous intéressez à ça, c'est vraiment important d'encourager ces ouvrages-là. Mais bon, parlons cassette. Trêve de bavardage. Bon, comme on l'a dit en intro, pour le WEG, la tradition, c'est quand même de passer toujours au GameX. Au GameX, on est vraiment toujours accueillis comme des rois par Danny. Oui, Danny Moquin, le propriétaire de la boutique GameX à Saint-Jérôme, reçoit notre visite à chaque année. 780 rue Labelle. Oh, hey, wow. Important d'y aller du lundi au vendredi. lundi au dimanche. Les gens sont sur Facebook. Écoute, on y fait une blog de même parce que cette année, Danny, il a vraiment été blood. Pendant qu'on était sur place, dans sa boutique, tout le monde, les Retro Warriors, les Power Chasers et d'autres, il a envoyé un employé ou un runner courir aller-retour au dépanneur, puis il était crissement loin, pour nous ramener une dose de 50 en canette. Genre pour nous dire bon week-end. C'est un commerçant qui te remercie avec du matériel. Avec la bière. Il nous paye des affaires. Ben, sérieux, ça, c'était vraiment gentil. Là. Fait qu'on a tous bu ça sur place, Danny. Merci beaucoup. Ça se passe d'une heure. Ouais, absolument. Et puis, moi, pas sur place au magasin. Exact. Là. Même si j'avais envie de m'en craquer une open dans le char en m'en allant là-bas. Ça allait rejoindre l'ami police plus loin. Ça aurait pas été une bonne idée. Avec la bière ouverte. Fait que moi, j'ai ramassé des petites choses. Jean-François, tu peux mettre la photo si tu veux. Tout le monde ramasse toujours quelque chose. Anyway. Mais je me rends compte que je suis rendu assez loin dans ma collection, ce qui fait que, j'avais tout le NES, le Super NES, non, j'ai rien trouvé. Fait que je grind des affaires, tu sais. Fait que là, j'ai ramassé ce Beauty and the Beast Belle's Quest, qui est un joli item de collection. Il y a deux Beauty and the Beast au Sega Genesis. The Beast Roar est un action platformer très Aladdin. Tandis que celui-là pourrait être un point and click. Là. Tu refais le film, dans le fond, là, en parlant du monde puis en sautant par-dessus des petites affaires de rien. C'est pas un jeu excitant, mais c'est très beau, la musique est bonne. Et mon plus jeune trip ben raide sur Beauty and the Beast. Fait que je vais lui montrer ça un moment donné. Puis je le voulais pour ma collection, donc voilà. Le pad que vous voyez là est un genre de pad style arcade pour Track and Field, mais à l'Atari 2600. Ils ont inventé ça. Donc, au lieu de faire gauche-droite sur ta manette, tu pitonnes sur les deux boutons, tu sais, gauche-droite, puis tu pèses le bouton rouge quand c'est le temps de sauter ou faire l'action, dans le fond. Fait que ça faisait très longtemps que je voulais avoir ce pad-là. C'est magnifique, c'est made in USA, c'est gros, c'est plastique, c'est du solide. Là. Tu crisses ça sur le mur, man, il n'y a rien pour faire. Le mur défonce. Puis, vu que c'est comme une affaire qui fait gauche-droite, tu peux jouer à d'autres jeux qui font gauche-droite, dont des Activision Décathlon, qui est juste un petit jeu de gauche-droite de crise de dégueulasse pour les mains. Fait que tu peux jouer avec ça, puis on l'a essayé, puis ça fait une belle, belle job. Nice. Le River Raid que vous voyez là, c'est au ColecoVision. Il est magané, mais je l'ai mis dans le lot parce que Danny fait tellement des bons prix qu'au final, il te le donne quasiment. Puis ça, il s'en crise dans les affaires de même. Fait qu'il me manque juste deux jeux Activision au ColecoVision pour avoir la petite série. Okay. Beam Rider et Pitfall 2. Donc ça, je suis pas stressé. Je les ramasse pour le plaisir. Et puis, un petit Casper au Game Boy. La version Super NES est rendue à au-dessus de 100$. Ouais, pas mal plus que ça. C'est un jeu de Natsume. Ouais, 150, hein? Ouais, ça monte en tabarnak. Aïe, aïe. Puis c'était de Natsume, donc je me suis dit, je vais ramasser la version Game Boy. Ouais. Ça peut pas être si pire. Donc je l'ai pas. Là, vous attendez que je dise c'est de la merde, mais je l'ai pas essayé. Ouais, c'est ça. Puis on va voir. Et puis les deux autres jeux de Super NES, de PlayStation 2, dans le fond, je les ai pris à notre ami Matt Bennett, qu'on a rencontré aux portes du Nord sur la route. Ouais. Et puis, c'est Odin Sphere, qui est un excellent jeu que je jouerai pas parce que j'ai fucking pas le temps. Mais c'est un jeu de combat. C'est comme un beat'em up, en fait. Là, ouais, quand ben, Muramasa, la avec Wii, RPG. Puis Dragon's Crown, tu sais, c'est fait par la même gang, Vanillaware, Atlus, tout ça. Ouais. Mais il y a beaucoup d'éléments RPG là-dedans, ce qui fait que j'y jouerai pas. Mais c'est un bel item de collection. Et j'avais besoin d'un upgrade de Shadow of the Colossus. Yeah. Donc, voilà, c'était mes petits pick-up. Là. Et il m'a fait ça au prix du désespoir. Il m'a donné, j'ai rien négocié, il m'a comme dit un montant comme plus bas que ce qui aurait été mon point de départ de négociation. Comme, en plus, il me donne de la bière. Ah non, c'est dur de refuser ça. Ben, il fera pas ça à tout le monde, là, tu sais, mais il nous écoute dans le fond, puis on y fait tout le temps de la pub, tout le temps sur nos pages, tout le monde, on les Power Chasers. Toujours du bon service qu'on va là. Partout, du bon service. Fait que, excellente boutique. Allez là, j'ai déjà hâte d'y aller l'année prochaine. Nice. Cool. Écoute, moi, de mon côté, je vais faire ça vite. J'ai pas ramassé grand-chose, en fait. Ah, t'as encore quelque chose, toi? Ben oui, mais moi, j'ai annoncé des jeux aussi là-bas, mais écoute, moi, j'en ai pas acheté beaucoup parce que je me suis acheté une Switch ce week-end. Ben ouais. J'avais besoin de garder un peu de sous. Et voilà, c'est fait. Donc, j'ai attrapé là-bas une copie de Beyond Oasis, un excellent jeu. Style Zelda. T'es vraiment dans le Genesis. Toi, ouais, je suis toujours dans le Genesis. Je suis bien raide dans le charbon. Ouais. Puis, une copie complète en boîte qui est un peu maganée, mais il n'a tellement pas fait pas cher que, écoute, j'ai pogné la cassette, je l'ai donné à Tidjo parce que j'avais déjà le jeu, mais loose. Puis, je vais m'occuper de mettre cette boîte-là bien belle. Sinon, Eternal Champions au Sega CD. Ah ouais. Hey, ça, là. C'est joli à regarder l'objet, mais. Le jouer, c'est une autre histoire, mais faire les finishers là-dedans, quand tu les fais, c'est vraiment. Au Sega CD, ils sont particulièrement juteux. Donc, j'ai pas eu le temps pendant le week d'essayer de faire ça. Ah, parce on l'a regardé, mais on n'a pas. C'est ça. Bon, on a regardé d'autres affaires pendant le week. Ouais, ouais. Ah, il y avait des totons. Ah ouais, ah ouais. Je pense que. Au ça, Sega, c'était mon. C'était mon segue pour aller vers là. Vers le WEG. Cool. On va remettre la vraie musique. Bravo. Fait que. Yes. Le WEG. Donc le là, WEG, là, c'est la discussion. Ouais. Veux-tu expliquer c'est quoi, Bruno? Ouais, ben c'est ça. Je vais expliquer c'est quoi, en fait. On a déjà parlé sur le podcast, mais pour les gens que c'est la première fois qu'ils nous écoutent, en fait. Le WEG, ce que c'est qu'en fait, c'est un événement que j'ai créé en 2007. Qui consiste en fait à être une gang de chums dans un coin perdu. La première édition était dans mon condo, mais on a amené ça à un chalet. C'était quand même un coin perdu. Oh! C'est ça! Point de <total. rire> Exact. Black. Puis c'est ça, mais en tout cas, maintenant, ça s'est transformé comme en mon voyage de chasse que je fais pas parce que je chasse pas. Puis c'est ça, ça devient dans le fond un gros party dans un chalet où moi puis mes chums, on amène nos consoles puis on joue pour une fin de semaine dans un chalet ensemble. On fait le party, on boit de la bière. Puis c'est de plus en plus gros en fait. Ouais, la dernière édition qu'on vient d'avoir en fin de semaine, on était 28 gars dans 3 chalets. Pas de filles. Ouais, pas de filles. Jamais 4 chalets, 4. 4 chalets. Ils nous ont donné un chalet de plus. C'est, ben, en fait, c'était 2 chalets puis un double. Ah, c'est ça. Puis c'est ça, bref. Puis oui, tu sais, pas de filles, en fait. C'est pas. une question de sexisme, c'est juste qu'il y a les gars ont des... sécurité. Ben, on perd. Question de sécurité, les gars ont des femmes. Puis c'est ça, t'sais. On est en pyjama, ouais. Puis on pète. Puis ça fait dur, là, tu sais. On n'est pas beau à voir, puis ça dérape rapidement. D'ailleurs, c'est ça, le vendredi, ça dérape assez rapidement. Le vendredi, arrive, là, quand tu mets le pied dans la place, là, t'es comme tellement fébrile. Ah, c'est tu vas pogner un lit, là, tu sors le matos du char, c'est ce qu'on branche, les gars. C'est qu'on se branche, qu'est-ce qu'on fait, là, on est comme énervé. C'était tout le stock. C'est la première activité. Comment on set up notre week de semaine? Ouais. Ouais, puis c'est ça, il y a des... le monde capote, là. Des fois, c'est très tendu le vendredi quand on arrive pour... faire le setup. Ah non, ça marche pas, ça, on peut pas mettre ça là. Puis, tu sais, c'est vraiment, parce c'est qu'on important. L'heure est grave. De chalet à chalet, ouais. Tu sais, pour être sûr d'avoir des stations. Là. Exact. Tout, n'importe quelle table, tabouret devient un rack à TV. Ouais. C'est tout croche. C'est tout croche, c'est net. Il faut prendre des photos de comment les chalets sont positionnés. Et il faut s'assurer de partager ces photos-là parce que souvent, le dimanche, quand c'est temps de repacter. Ouais. Éric Hébert est dur à trouver. Ouais, non, c'est ça. Ouais, faut prendre des photos de l'état pour remettre dans le même état. Ils sont aux toilettes, là. Il y a eu à peu près, cette année, il devait avoir à peu près une vingtaine de stations, autant rétro que next-gen. Je pense même plus que 20. À peu près 18 CRT, je pense, de qualité professionnelle. Ah ouais, man, il y avait du Il y en avait partout. Mais j'étais moins satisfait du setup rétro cette année. Ouais. Il était sur le comptoir de cuisine dans le fond de la cave. Ouais, c'était pas invitant. Ouais, puis c'était pas confortable. On manquait de sofa. On aurait dû sticker à notre plein initial avec toutes les couches. Ouais, ben c'est ça. Là. Un moment donné, moi puis Martin, on s'est fait une station Atari. Sur le tapis. Sur le tapis, on s'est fait comme un petit fort là, avec des coussins. Puis grosse TV. Avec ça, la soudeuse sur le tapis Shag. Ouais, on a soudé tout. Il y a rien qui. Tout se fait. Soudé en boisson. Ça, c'était confortable. La prochaine fois, on va le repenser un peu, je pense, le setup rétro. On est dans invitant parce que j'ai même pas joué tant que ça rétro là, tu sais. Non, c'est ça, je pense qu'on était trop c'était mal fait. Puis les petites BVM là, moi je laisserais tout ça à la maison. J'amènerais des vraies grosses CRT ou des affaires. Ouais. Peut-être la tienne parce qu'elle est grosse là, mais les petites là de 10 pouces là, c'est un peu plate ça. C'est pas c'est pas toilette, c'est de la RGB là, Pixel Perfect là, mais on n'avait pas la station toilette, c'est ça la forme. Mais j'ai pas vu du monde souvent dessus. Moi je suis descendu souvent puis il y avait jamais personne sur ces stations là. Moi c'était pas invitant, j'avais comme pas envie d'y aller, tu sais. Je trouve que t'es mieux d'avoir moins de stations, plus de qualité. Exact. Trop de stations, on dirait que t'arrives puis là quand tu vois qu'il y en a 3-4 de pas occupés, c'est pas invitant de rester dans la pièce, on dirait. Fait que, tu sais... Mais ça fait beau, qu'il y en par exemple. Moins. Mais c'est beau. C'est beau que partout où tu te reviens, il y a un fucking laser disc ici. Hein? Ah ouais, c'est ça. Ah, il y a tout. Qu'est-ce que c'est ça, cette console-là qui est branchée là? Il y a du stock partout. Là, non, puis on écoute aussi des films. Des classiques en québécois. En boisson, des classiques en québécois. Il y a eu Jack City, puis l'école de ski, puis tout ça. Il y a eu là. UFC cette année aussi. Ouais, mais ça a été un beau moment cette année. On a commandé le combat de GSP, puis on était une... quinzaine dans le salon à écouter ça, puis ça s'est mis à crier quand il y a eu le punch final dans la face. Là. Ah ouais. Puis on avait, ça arrive souvent qu'il y a un combat quand on va au Weekend Gaming. Mais il n'y avait d'écran pour le projecteur, fait qu'on a soigneusement pris des couteaux de cuisine, puis on a crucifié un drap de sur le mur pour projeter dessus. Il faut ce qu'il faut. C'est ça, man. On a été prudents, par contre. Ah ouais. Personne n'est mort. Non, personne n'est mort. Ça, ce qui est surprenant, super bien quand passé. Même. Ouais, mais c'est quand même, tu sais, c'est une gang qui s'entend super bien. On est bien rodés aussi. Si vous faites un WEG, c'est juste des gars, gardez votre testostérone chez vous parce que c'est ça qui est la clé, je pense, parce qu'il n'y en a pas eu dans le Weekend Gaming. Non, personne ne s'est pogné. On est des larves, là. On des est larves des larves heureuses. On veut jouer, on a du fun, on veut voir. Ouais, puis aussi, on est plus prudent qu'avant sur notre façon de doser notre fin de semaine parce que tu sais que si t'es trop scrap le vendredi, samedi matin, tu te lèveras pas assez tôt pour faire une journée complète parce de qu'un gaming. Tu couches à quoi, 3-4 heures, 5 heures? Ouais, 4 heures, 4 heures, 5 heures, c'est pas mal tout le temps ça. Aussi, là. Puis ça dimanche, il y a une grande dépression quand on ramasse tout. Fait, moi, cette année, j'ai ajusté mon WEG, là, j'ai slacké à boisson. Premièrement, j'ai pas bu de fort, ça m'a été en tabarnak. Puis j'ai slacké sur le dosage d'alcool de boisson. J'ai bu de la Bud Light comme un faible. Ben, pas juste ça, mais en très grande partie ça. Fait que dimanche, j'étais moins magané. J'étais moins magané. Puis j'étais prêt à affronter ma journée. Il y a Flynet Pussy dans le chat qui dit la sieste, bien importante le samedi. Ouais. Bruno, pas fait sa sieste. Moi, je l'ai pas fait cette année. Je suis tellement excité. J'ai l'impression que si je vais dormir, dormir, tu sais, je vais être trop... Chris, je manque le WEG, je manque le WEG. Il y avait trop de bonnes affaires. Il y avait un next level aussi, on avait un spa pour aller se relaxer. Ça, mon gars, là... Moi, je pensais pas y aller, puis je suis allé. Ouais, c'était bien plaisant. C'était quelque chose. Moi, je vais faire une parenthèse ici, là, Manny. On regardait tout Johnny Gratis dans le spa qu'on a... Il y avait l'air du porno. On a d'ailleurs rebaptisé Bottle Bat Brochu. Mais... Non, Bubble Bat. Bubble brochu. Bat, excusez. Parce Bubble que Bubble brochu. Bat Babes est un jeu que de louche que Joe voudrait avoir. J'aimais bien Bottle puis, Bat. Parce ouais, Bubble là, Bat, ouais, Bottle Bat, c'est un chaud aussi. T'imagines des choses. Mais, on regardait, puis Manny et Eric Abar qui a juste dit, tu sais, Johnny, il a compris que tous ces jeux-là, il les a chez eux, mais il n'y a pas de spa. Puis à ouais, ce moment-là, exact. On est tous allés leur rejoindre. C'est là qu'on a commencé à abuser du spa, mais bon. Il y avait tout le temps du monde dans le spa, jamais les mêmes, jamais au même moment. Ouais, le soupe à saucisse, toujours bien en place. Moi, je m'en suis servi pour me désintoxiquer en début d'après-midi, ouais, samedi là. Puis après ça, j'étais prêt à repartir Radiant Silver Gun avec Eric au Xbox, là, avec une bonne... Ouais, il y a du monde dans le chat qui dit avez-vous joué à la Switch dans le spa? On aurait pu, mais on n'a pas osé. Il allait le faire. En fait, on était sur le bord de faire un projet. Les gars, ils faisaient un feu à côté, puis ils allaient tout installer pour faire une station Street Fighter Switch dehors. Mais puis là, nous autres, dans le spa, on a eu des flashs, des bonnes idées. T'as eu des bonnes idées. C'est moi, puis Eric, en fait. Puis Eric, il a crié hey, Martin, on devrait faire une station Street Fighter dehors. Martin, je m'en occupe, puis il commence à faire un jeu. Fait que. Là-bas, là, ouais, tu lances une idée de projet puis ça se réalise tout le temps. Ouais, parce que des gars en boisson, c'est entreprenant. C'est comme minute, on s'occupe de tout. Ok, ah non, c'est incroyable. Je veux parler de la bouffe aussi parce qu'à chaque année, on bâtissait. Puis là, on est rendu au setup optimal. Ouais, on vendredi, a un menu faut parfait. Pas que ça soit long. Il y a une année, on avait des pizzas congelées, on a fait tuer plein. On a tout brûlé, on a mangé à 11h, on était tous déjà morts, restés. Ouais, exact. Puis, personne n'appréciait. Personne n'appréciait, ça avait tout cramé, là, c'était vraiment pas bon. Là, c'est des hot dogs. La grande hot dogueria du game. Du Wagger le vendredi. On est rendu brandé là. Puis là on a tout notre setup. Puis là samedi matin, plus vers midi, gros déjeuner construction avec tout ce que tu peux imaginer. Ceux qui déjeunent plus tard peuvent même se faire flamber leur déjeuner au Gramarnier. Puis ça, tu niaises pas, tu crisses tout le déjeuner dans poêle. Les œufs, les toasts, les fives, le bacon, tu fuck tout. C'est merveilleux. Burnies. Puis on fait des beaux tacos, là. Bien gratinés. Tacos, c'est des gorditas qu'on fait. Des gorditas. C'est un tacos dans un fajitas avec du fromage fondu dans le fajitas. Ouais, c'est vrai. C'est next vrai. Level. C'est comme chez Taco Town. Puis Ellie, là, il avait amené tout un assortiment de sauces très fortes. Il y a eu une compétition de sauces fortes. Il y a du monde qui a souffert, là. Moi, j'ai regardé de loin. Tout le monde sort de bonne humeur, puis après la bouchée, là, comme Eric, là, il était plus heureux. Rempli de regrets, là. Ah oui, ah oui. André aussi, il était pas mal. Il y a des sphincters qui n'ont pas eu de vacances. Non, c'est clair. Mais sinon, à part de ça, on a joué à des jeux en masse. C'est ça le but, en fait. C'est ça le but, tu sais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux essayer plein d'affaires. Tu sais, t'arrives à quelque part, tu te demandes si un jeu est là, puis... Il est là. 99% du temps, il est là, tu sais. C'est ça qui est hot. Puis c'est ça, je vais commencer rapidement en parlant de mon jeu auquel j'ai le plus joué, ou en tout cas qui m'a plus parlé. C'était Trackmania Turbo. En fait, ça... Ça fait un an, sinon deux, qu'on joue à toutes les années au mode Hot Seat. En fait, c'est que Trackmania Turbo, c'est des petites courses, des petits circuits d'une minute et demie à peu près. Même pas, des fois c'est 30 secondes. Il faut juste que tu fasses un meilleur temps à toutes les fois. Fait que le mode Hot Seat, en fait, c'est que tu peux jouer jusqu'à 8 ou tu te passes la manette. Fait que, mettons, moi je fais mon temps. Ah, ok, je l'ai fait en 22 secondes. L'autre le fait à côté. Moi, je l'ai fait en 21 secondes. Oups, là, faut que je le batte. Puis là, ça monte comme ça, puis notre gaz baisse sans arrêt, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour chaque personne. Puis vu que tu refais la piste sans arrêt, il y a un côté bien addictif à ça, mais aussi qui fait que tu es de meilleur en meilleur à toutes les fois. Fait que je trouve ça bien le fun. Puis c'est un jeu... Moi, ce jeu-là, je me suis jamais tanné. C'est tout le temps super bon. Les contrôles sont vraiment en tête. C'est vraiment... C'est arcade, là. C'est pas un jeu de simulation. Le contrôle est très arcade, mais il est vraiment le fun. Puis c'est ça. J'ai eu énormément de fun avec ça. Sinon, j'ai joué vraiment beaucoup à... à Mario Odyssey, évidemment. Puis j'ai joué à Switch en masse, j'ai joué à PS4 ouais, en masse. Les Gordistas t'ont permis de jouer à Switch pas mal. Ouais, exact. Dans un petit me-time, une petite prière. Sur NES, je me suis fait une game solitaire et très triste de Contra Force. Parce que Christy, que j'y arrivais pas. Au là. NES, ça? Ouais. T'avais j'étais à côté de toi. C'est juste avant que, Dom, tu jouais à ton jeu dont tu vas parler tantôt. Puis tu m'as comme parlé vraiment fâché parce que t'étais dans ta zone. Là, je fais comme, ah, OK. Puis là, moi, je suis parti jouer à NES à Contre-Force. Puis j'essayais, je mourais tout le temps. J'étais vraiment pas bon, là. J'ai ça, ce jeu-là. Mais ça m'écœure de pas pouvoir faire un contrat. Comme tu sais, tous les contrats, je les ai faits. Ouais. Puis j'ai été, même les nouveaux. Puis ceux-là, je suis incapable, là. Ça marche pas. Ah, c'est de la boîte. C'est pas supposé être contrat. C'est fait, pas terrible. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, si, c'est je sais pas ce qui enchaînait. Allez-y, vas-y, Fred. Je vais y aller parce que c'en est un des jeux qu'on est pas mal plusieurs à avoir joué beaucoup, dont Dom aussi. Ah oui, vraiment. Qui est Overcooked. Ouais. Donc, pour ceux qui ont jamais joué à Overcooked, c'est un jeu de cuisine que tu joues à 4 joueurs, 4 petits chefs. Puis le but du jeu, c'est vraiment de compléter des commandes en faisant un paquet d'actions assez simple. Ce qui est moins simple là-dedans, c'est de se coordonner à la gang parce que finalement, les tableaux, tu te ramasses toujours dans des situations un peu farfelues puis complètement folles dans lesquelles il faut que tu complètes, par exemple, un repas dans des voitures en mouvement, un food truck qui se sépare. Et sur un bateau, les tables se déplacent. C'est ça, tout bouge et tout. Puis il faut le faire à quatre. Et ce qui est drôle en jeu-là, c'est que la présence physique est importante parce que ton petit bonhomme, quand il est à quelque part, l'autre personne ne peut pas être là. Ce qui fait que tu es tout le temps dans les jambes à tout le monde. Ah ouais. Puis ça prend, avant de commencer, c'est comme, OK les gars, OK, attends, là ici, les ingrédients sont là. Fait que toi, Fred, toi, c'est les ingrédients. Toi et Michael, tu vas aller, tu fais ça. La vaisselle, puis tu flippes les viandes. Est-ce là, que c'est sérieux? On se kiffe après, ouais, là, puis là, c'est comme la plus grosse c'était affaire au monde. Ouais. C'est super important. T'es dans mon chemin. Qu'est-ce que tu fais là, en arrière, avec le corps? Dom, on avait l'impression que c'était un dimanche après-midi le plus terrible de sa vie avec les enfants. Là, il était comme, « Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? » Il y a bien que trop de monde là-dedans. Tassez-vous. Hey, là, handicapé. Ça écoutait pas, ça écoutait pas. Et c'était tellement drôle. Moi, j'étais là, plus d'hommes se fâchaient, plus que je riais aux larmes. C'était extraordinaire. Chris, faut t'en couper la viande avant de la faire chauffer. Ce qui était vraiment drôle, c'est que il y avait aussi Tom des Card Keepers qui était là. Hey, lui, là, lui, il a fixé, il a vraiment là-dessus. Accroché là-dessus. Il a attiré tout le monde, c'est pour ça. Jouer, on a joué un. On avait joué ensemble peut-être une heure, deux heures avec Dej aussi, puis tout ce monde-là. Ça avait tellement bien été, on était tellement bien rodés, qu'après ça, on a refait une autre équipe avec Dom, puis avec, je pense que c'était Nick qui était là, puis là, ça est tout parti en déconfiture. Il y avait vraiment des tensions dans l'équipe, tout le monde criait. C'était extraordinaire. Mais bref, moi, ça m'a donné le goût de m'ouvrir un Tim Hortons. Ouais, non, c'est juste ça qu'on s'est dit un jour, mais ouais. Tom, on va s'ouvrir un Tim Hortons. J'ai trippé bien raide là-dessus. J'ai juste trouvé un peu dommage que ça devient très difficile, très rapidement. Rapide, ouais, j'aurais ça. Aimé ça qui nous donne un peu plus de niveau de satisfaction que tu réussis à battre à 3 étoiles. Tu dis « Yes, les boys! Ouais. » Parce ouais, que c'est ça, t'es tout le temps tendu. T'sais. Ouais, puis que les niveaux bougent pas trop vite. Non, comme là, c'est direct au 4e niveau. Le plancher est décalé en deux parties. Exact, exact. Là, tu fais comme, hey, minute, là. C'est rare. Tu viens de commencer. Exact. C'est pas long là, que tu t'envoies des gros obstacles pour te faire ton projet. Ah ouais, c'est que tu fasses un burger quatre ingrédients. Voyons, non. Ben oui, non, c'est les ça. Les burgers, c'est les meilleurs. Ouais, les burgers, ça, c'est pas les burgers. C'est comme une viande crue dans ce burger. Ouais, pas de salade, c'est pas. Ben moi, j'ai découvert un truc, c'est que peu importe où tu mets le stock, dont par terre, ça marche. Ouais. Fait que quand le plancher se split ou la cuisine se sépare en swing deux, c'est tout le stock à terre, tu sais, puis prenez-les, hostie. Puis pendant que la cuisine est à l'autre bout, ben les gars font leur affaire, reviennent, genre Christ, en tout cas. C'était bien des stratégies à développer. Sinon, rapidement. Je remplissais le plancher, man, de tout, là. Comme ça, les gars, ils on se servaient comme dans un. On perdait des points sur le pourboire, mais bon, sur quand on le servait. Ah oui? Ouais, ben je pense qu'il y a un pointage là-dessus, mais je suis pas sûr. Bah. Sinon, un autre jeu qu'on a passé beaucoup de temps, mais que celui-là, on l'a pas en image. Puis ça, c'était assez drôle, c'est Virtual Photo Studio. Ça arrêtait pas, ce jeu-là. C'était un jeu-là, en parenthèse. Ouais, alors, Bubble Bat, Brochu et Poelman se sont vraiment lâchés sur ce dossier-là. Puis c'est un jeu dans lequel il faut prendre des photos de japoniennes. qui n'ont pas vraiment envie, on dirait, d'être là, dans des costumes vraiment. Comme dans tous les jeux japonais de ce genre-là, ils ont tout le temps pas l'air de vouloir être là. Puis bref, il faut que tu prennes des photos au moment qu'ils capturaient leur Shazam pour avancer. Puis c'était vraiment supposé être un jeu sexy, mais ça l'était vraiment pas. C'est absolument terrible. Il y avait des scènes nues. Des fois, il y avait des scènes, ça faisait des gros wow, mais ça, à part de ça. Mais tu sais, c'était pas. C'était pas une expérience fière, mais bon, comme ils disent, les deux se sont concentrés à le platiner. Ouais. Donc, le jeu a été complété 100%. On les félicite d'avoir passé un gros 4 heures à essayer de comprendre du japonais. Incroyable. Ah oui, je les voyais gosser sur le téléphone pour essayer de comprendre que. Ouais, il y avait comme une histoire, mais j'entendais comme ah, on lui a promis un burger après parce qu'elle avait faim. Fait que donne-lui un burger après avoir pris en photo. Qu'est-ce qu'il joue? c'était, je veux jouer à ça. Ah ouais, puis là, fait. Ben, faut qu'elle mette le saut de cuir, restez, pour qu'on prenne les photos. Elle dit qu'elle a chaud, là. Ben, calice, je sais pas. Faites quoi, là? Faut qu'elle mette le saut de cuir. Ça n'a pas de bon sens. C'est merveilleux. Hein. En tout cas, j'ai pris des bonnes photos de ça qu'on partagera pas sur Facebook, mais qui étaient vraiment des face reactions qui étaient très magiques. Ah, vraiment. C'est bon, ça. Des beaux souvenirs. Toi, JF? J'ai embarqué avec toi, Bruno, sur une game de Rocket Fist. Ouais. J'ai des images ici. Sur Switch, un jeu super simple, dans le fond. T'as des petites boules, puis tu garoches des points. C'est pas mal ça. Ouais. Ah, puis tu vas les rechercher, puis tu vas les garocher. Dans le fond, chacun a un point à garocher, puis ça se contrôle avec un Joy-Con. Joy-Con, un piton, dans le fond, joystick, piton pour garocher ta boule. Puis tu peux faire des rebounds sur les côtés, puis ça va très vite, c'est très frénétique. Ouais. C'est le premier qui arrive à, mettons, 7, 10. Ça, c'est comme combat à la T'as un dash aussi. T'as un dash, puis c'est pas mal ça. Puis quand tu meurs un peu à la Bomberman, tu vas te ramasser sur les côtés, puis tu peux lancer des boules électriques pour freezer le monde. Puis, ah ouais, ça, c'est le côté c'était Bomberman. C'était vraiment très le fun, ça, ce jeu-là, à 4. Là, Ah, c'est vraiment le fun. C'était pick and play. On n'a même pas besoin d'expliquer sérieusement le monde. Bruno a dit, tel piton, tu garoches, puis c'est tout. Puis ça a pris une game, puis tout le monde était seté. Vraiment. J'étais prêt pour tout vous battre après ça. J'ai quand même torché pas mal. T'étais quand même pas mal bon, tout. J'étais dans ma zone sur ce sol-là. Ah oui? Puis, je vais avec gameplay, mais un autre moment que j'étais dans ma zone, puis c'était un moment un peu... c'était comme next level pour moi. J'étais dans le spa à 2h du matin avec mon whisky après le combat de GSP, puis je suis comme, bon, je suis pas fatigué, tu sais, samedi. Je vais aller faire un projet. Là, je rentre dans le neige avec Michael. Ah oui? Je dis, Michael, donne-moi un projet, là. Quelque chose que je peux jouer, là, un puzzle sur Spy Nest, tu sais, que je vais être tranquille dans mon coin. Fait qu'il m'a sorti Picross, que je connaissais pas, puis que j'ai complètement capoté là-dessus. C'est un genre de sudoku, mais c'est en même temps, c'est un jeu que c'est de la gravure, là, dans le fond. C'est des dessins faits en gravure, fait que c'est des colonnes dérangées avec des chiffres. Puis là, faut que tu analyses, OK, il y a des chiffres au bout qui me dit qu'il y a deux trous alignés, plus un trou aligné, plus un trois trous. Puis là, faut que tu matches tout ça, puis... Tu réfléchis, puis c'était comme pas le temps de me donner ça à 2h du matin. Ah, mais t'étais bon, là, t'as foncé là-dedans. Mais je suis rentré là-dedans, puis j'ai comme catché d'une shot, puis j'étais dans ma zone. J'ai presque passé à cassette, puis j'arrête parce que je voyais plus rien à un moment donné. Là. Ah, ouais. Trop de fatigue. En plus, c'était comme soleil, mauve palette avec noir. Ouais, la télé, le look était dégueulasse. Sur le coin d'un comptoir de cuisine. Mais beau moment avec Michael, là. C'est un jeu de Mario, ça, Picross. Ouais. Ben, Mario Picross sur DS, hein, me semble. Mais c'est ça, Picross, c'est Mario. Sur Game Boy. Là, j'avais une version Super NES qui est jamais sortie en fait en Amérique, juste au Japon, celle du Super NES. Mais sur DS, c'est devenu sur DS, c'est très très bon. Puis il y en a une version sur Switch en ce moment qui peut avoir des grilles de jusqu'à 25 par 25, là, fait que ça devient assez complexe rapidement. Mais super bon jeu de puzzle, c'est des fans de Sudoku, là, j'ai vraiment accroché là-dessus. Ouais, belle découverte. Ça, nice. Ouais. Ah, puis moi aussi, j'aimerais ajouter rapidement qu'on a eu des méchantes bonnes games de Puyo Puyo Tetris. Ouais, ouais, ça c'est Mod vrai Party, aussi. Là, où tout allait tout croche. Ça va tellement là. Vite, ça, là. J'ai joué avec Martin Hébert, justement, puis il disait, je veux m'en aller à la maison. Tu sais, on jouait, là, puis ça fuck tout ce que tu connais de Tetris. C'est là que Zef nous a menti aussi. Oui, il arrêtait pas de me mentir. Il y a eu un bon moment aussi, on a essayé de faire un LAN party cette année. J'étais ça avec Ellie. Ça, c'était hot. Vous avez setupé un LAN pour jouer à Warcraft 3. On a joué à Warcraft 3, puis on a joué à Command & Conquer Renegades, puis on a joué à Starcraft 1. Ça, c'était beau, ça. Je me suis fait tag-teamer en salaud dans Starcraft. Je salue les deux gars de Geek Collectif, Eric Hébert, puis André Pocket. Parlant d'Eric Hébert, d'ailleurs, je tiens à préciser, Eric... Tu nous as menti avec Warcraft 4 cette année. Je me suis tellement senti calme. Parce qu'il y avait le Blitzcon, il y avait le Blitzcon, puis il dit, ah, il a annoncé Warcraft 4. Ah, si, j'ai passé mon WEG à dire à tout le monde, ouais, il paraît qu'ils ont même annoncé Warcraft 4. Là, J'ai découvert ça à chez nous, je suis comme, hey, de quoi ça a l'air? Puis là, finalement, ça n'a jamais été annoncé. On est rendu jusqu'à dans les LAN, fait qu'on a, on couvre pas mal tout. Ça, c'était là, nouveau, ouais. Ça, là. C'était assez... Prochain coup, j'aurais voulu participer. Prochain coup, je vais mieux l'organiser. Je sais quoi m'attendre, fait que je... ça sera mieux fait prochain coup. Moi, j'ai joué au NES le samedi matin avec Michael puis Mr. Juice. On a essayé de faire un projet parce qu'on a une liste, tu sais, entre chums de jeux NES. On essaye d'en battre le plus au cours de l'année. D'ailleurs, l'année achève. Donc là, on est rendu à des jeux de marde. Ouais, il y a des jeux de marde, mais il y en a un qui n'était pas si marde au travers qui s'appelait Totally Rad. C'est quoi ce jeu-là? C'est Totally Rad. By the way, il neigeait dehors quand tu jouais à ça, Dom. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un platformer où est-ce que t'es un magicien, un jeune magicien. Et puis, c'est comme un peu Mega Man. T'as toutes tes skills de magie en partant. Puis, t'es utilises là, à qui mieux. Ou sinon, version chat, à qui miaou miaou. Et puis, t'as des sauts, comme on voit présentement. Donc, tu vas dans l'eau, tu mets ton saut de poisson, etc., etc. Applause. Et puis, ça, c'est la version US, mais la version japonaise est comme plus standard. Puis ça, ben, c'est la même crise d'affaires, sauf le sprite et le texte. Là, le texte, c'est « You dude, like, totally, dude, that's so rad, yeah! » C'est dégueulasse. T'as jamais vu ça, man, une affaire aussi atroce que ça. Là, ici, on voit le boss auquel... J'ai fait l'exprès de te mettre ça, en fait. C'est là que tu m'as châtié. C'est là que Dom voulait plus que personne soit Dom dans la pièce. Dom voulait vraiment pas voir la personne. Wow, OK. Ben là, la personne qui joue a la crise de bonne technique, là. Ouais, c'est ça. T'aurais dû regarder les vidéos avant. Hein? Ben, j'ai pas vu cette vidéo-là. Fait que, ouais, le boss qu'on voit à l'écran, dans le fond... C'est ça, j'ai joué avec les boys le matin. On pensait qu'on avait toujours des continues. On était rendu au dernier niveau. D'un coup, paf, plus de continues. Ah, fuck! Fait que là, on était vraiment déçus. Fait que là, après souper, quand j'ai eu fini de ramasser puis que j'étais prêt, j'étais allé dans mon coin tout seul, me dis, m'a finir ça moi ce projet là tranquille tout seul maintenant que j'ai le knowledge dans mon corps. Puis je me suis rendu au dernier niveau en perdant rien qu'une vie, donc ça a été super bien, une vraie farce. Mais au dernier niveau, c'est ça, le boss qu'on vient de voir là, je le grindais, c'est pour 15 minutes le battre. Ah, puis après ça, t'as le boss de fin qu'on voit ici, puis que bon, si tu meurs, faut que tu leur fasses l'autre crise d'avant. Okay. Fait que c'est pour ça que j'étais en colère. Ça faisait genre 4 fois, 5 fois que je le faisais, là. Puis les premières fois, il fallait que je catch son pattern. Puis tu recommençais-tu direct au boss? Non. Tu recommençais plus loin? Faut que tu te rendes jusque-là, en plus. Ouais. C'était tellement fâchant. Mais j'ai réussi à le finir, fait que j'étais bien content. C'était un bon petit jeu, sérieux. Moi, j'ai regardé pour les autres qui restaient, puis je me suis enligné pour Captain America and the Avengers au NES. Ouais, tu l'as-tu fait? Non, c'est un jeu qui aurait pu être bon, mais qui ont tellement complexifié la patente pour lui. C'est ce que je trouvais, moi aussi, quand je l'ai essayé. C'est vraiment frustrant. C'est que t'avances dans le jeu un peu comme dans la Bionic Commando, là, pis c'est... Ouais. C'est trop compliqué. Quand tu perds un gars, faut aller le chercher. Si tu perds en moment, t'en recommences au début. T'es tout en train de refaire les mêmes niveaux qui sont absurdes. C'est fuck cool. That shit, man. Fuck that, on déchire. Non, mais il y a fuck ça that. Dans le WEG aussi. Des fois, tu dis, ouais, on finit ce jeu, là, man. Là, tu joues, tu dis, ça commence à être long. Je me suis même pas réessayé. Comme trop stressé. J'ai même pas essayé Battletoads une fois en fin de semaine. Non, c'est ça. C'est mon défi. C'est ça qui je le pars jamais, mais ça me tue mon week-end aussi un peu parce que j'ai essayé pendant 2 heures et je suis pas capable de le passer. C'est trop dur, Battletoads. Un jour, je l'aurai un jour. Moi, des fois, quand je vois, des fois, tu vois que tu colles sur un jeu qui vaudrait pas la peine, que tu colles, puis tu te dis, quand j'ai payé pour être ici, là. faut pas que je fasse ça. Ça va se faire, ça va être fini, ça va être dans une tablette après ça, qu'on ne touchera plus à Battletoads. Jamais. Faire brûler la cassette dans le fond. Ah ouais, je vais la mettre dans le spa, je pense. La sauce forte dedans. Ah, c'est ça. Alright, fait que, c'est ainsi que se termine Rétro Nouveau. On est brûlé. Moi, j'aimerais ça. Je suis brûlé, moi, sérieux. J'ai une grosse fin de semaine. Moi, j'avais 2 méga jeux, là. Ça a été des grosses semaines, mais là, c'est terminé. Puis aujourd'hui, on a présenté un show, un pre-show. Pour les Patreons, mais aussi pour tout le monde. On l'a ouvert à tout le monde que vous puissiez voir. Ouais, il va se ramasser sur notre YouTube, puis je vais le mettre sur Facebook aussi. Fait que vous pourrez le revoir en rediffusion pour ceux qui veulent savoir c'est quoi les pre-shows de Rétro Nouveau. C'est fantastique ça. Mais là aussi, on va avoir un nouveau modèle. Ouais. Qu'on est en train de travailler. Mais en fait, c'est Fred qui travaille sur le dossier. Écoutez, justement, avec Patreon et tout, le pre-show, ça fonctionne super bien. Donc, on s'est dit qu'on allait justement étendre un peu nos micro-transactions aussi à Rétro Nouveau. Donc, qu'on allait proposer maintenant aussi des contenus disponibles en loot box. Ouais. Donc, c'est pas compliqué. vous montre ça ici. T'as une caméra dans le fond, si tu veux montrer, mettons. Je vous montre ça ici. Donc, ouais, la première loot box, c'est vraiment bien fait. Les premières loot box, c'est pas compliqué. Dans le fond, pour un montant de 5$, ça vous permet d'obtenir ce que voici.